Parce que si je hais, je perds. If I hate, I lose. Ben oui, santé, tu perds l'énergie. Tu perds beaucoup de choses. Tu perds la possibilité de comprendre. Le forgiveness, hein? Moi aussi, je trouve, on parlait de victimologie tantôt, puis moi aussi, je trouve qu'à cette heure, les gens, la force du pardon est diminuée. Genre, les gens oublient que le pardon, c'est une des choses les plus fortes qu'ils peuvent donner. Puis ça, je trouve, puis même accepter là, de une attitude vengeresse, c'est pas... C'est très négatif. C'est ça. Tu es en train de construire sur du friable. C'est mortifère, si on peut dire. Ouais. Le désir de vengeance, c'est terrible comme pas. Tu sais, oh merde, je peux pas comprendre ça. Puis tu restes comme victime de ce que dans le sens que t'es pris dans le loop d'émotions que l'autre a créé. T'es pas en train d'avoir le contrôle sur ta vie parce que c'est ce que quelqu'un d'autre a créé qui gère encore ta vie. Ça, c'est quand même assez capoté. Ben, tu vois, la question de victime, les gens ont tendance à se rendre victime, dans d'autres termes, en disant « Ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre. » Ouais. « Si je suis pauvre, si je suis... » Je sais pas. Tout le malaise que tu peux avoir, c'est pas de ma faute. Mais toi, tu comprends, à ce moment-là, pourquoi les religions ont été si fortes. Tu fais affaire à des gens qui sont victimes. Ouais, puis même conditionnés à l'être. Dans la religion, la nôtre, la souffrance est glorifiée. Là, le gars, il est sur la croix, puis il saigne, puis ils ont mis des clous dans la tête, puis tout. Puis c'est lui qu'il faut viser, c'est lui qu'il faut ressembler. Genre, c'est assez capoté. Pour nous sauver, il faut... Ouais. Nous sauver de quoi? On était ça. Quand même. Hein? On était pas là non plus. On sait pas. Là, autant, je trouve, les dans le sens que... Je pense que j'ai le droit de trouver les crimes contre, mettons, les Amérindiens aussi graves qu'un Amérindien peut les trouver graves de nos jours. Genre, moi, je n'ai aucun lien, aucun pouvoir sur le passé et je veux absolument que les injustices envers les Amérindiens arrêtent. Je peux pas parler de la hauteur de ces injustices-là, mais j'ai le droit d'être autant outré qu'un Amérindien des crimes que l'homme blanc ou les colonisateurs ont commis contre les Amérindiens dans le temps. C'est sûr, l'affaire du passé, tu peux pas rien y faire. Hein. Mais l'affaire du présent, tu peux y faire quelque chose. Et puis on parle de victimes, puis c'est ça qu'il faut faire disparaître dans l'esprit des Amérindiens. C'est le fait qu'ils soient victimes. Ouais. Merde! C'est irresponsable quand t'es victime. C'est vrai. On a un système qui encourage ça aussi. Hein. Le système de réserve, c'est épouvantable. Bon, on les engraisse pour qu'ils ferment le gueule. Il n'y a pas d'autre chose à suggérer que ça. Eh boy, hein. Ils étaient comme nomades, eux autres, avant. Puis, Non, mais je veux dire, aujourd'hui, là, tu vois, au camp, etc., etc. Bon, les petites tribus, là. C'est une très bonne question. Qui se plaignent constamment. Ils n'ont jamais assez d'argent pour... Pour faire quoi? Pour rien faire. Ouais, en plus. Puis souvent, en fait, c'est que c'est géré par le conseil de bande, l'argent qu'on leur donne. Puis là, ben, les 3-4 en haut, ça jette des écrans plats. Puis là, après ça, il n'y a plus rien pour payer la dentiste de la petite ou des affaires comme ça. Ben ça, c'est gratuit, ça. Ouais, sûrement. Dans le fond, ouais, c'est... Mais en tout cas, c'est pas mon domaine que je connais plus non plus, mais ce qui est sûr, c'est que on vit à une époque aussi où la minorité minée a comme le plus de pouvoir de s'exprimer, puis ces affaires-là. Ça, je pense que c'est beau, là, avec ce qui se passe avec les médias sociaux. Dans un sens, oui, c'est une prise de conscience du monde envers les premiers habitants. Mais il faudrait qu'il propose une solution pour les rendre autonomes. Ah oui. Leur apprendre à pêcher plus que leur donner du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir autonome? Ben, ça veut dire étudier, merde. Donc, je pense qu'il y aurait une première étape, ça serait de former des administrateurs parmi l'élite du monde autochtone, parce que là, il y en a une élite aussi, là, il n'y a pas juste des... Qu'est-ce que tu veux dire par élite? Je veux dire ceux qui sont éduqués. Okay. Ceux qui ont passé par l'université. Ou qui ont la volonté aussi d'aller là. Oui, genre. Mais ceux qui sont passés par l'université et qui sont allés apprendre les techniques... Il y en a, faut pas oublier. Les techniques de gérance, tu sais. OK. Parce qu'un État, ça se gère. S'ils veulent devenir indépendants, moi, je serais tout à fait d'accord qu'il faut qu'ils se réunissent. On ne peut pas avoir, je ne sais pas moi, combien de territoires indépendants. Parce que ça devient trop... comment tu dis, disais tantôt, là, les gens se... remplissent les poches tranquillement, comme un petit village. Ah, ben oui, c'est ça. Il y a un conseil de bande, puis ça gangrénise le pouvoir, là, qui veut pas changer. Comme ils sont dépendants, mais ils sont dépendants à toutes sortes de choses. L'alcool, la drogue et tout. Donc, ça fait un peuple, en général. Toi, la meilleure pas son sort. Toi, tu viens de la rive sud, dans le fond, de la côte sud. Tu viens de Rimouski, Gaspésie. Je viens de la baie des Chaleurs. Moi, mes ancêtres, c'est des Acadiens. OK. Puis l'Acadie, c'est juste l'autre côté de la baie. Effectivement. C'est la côte de la Gaspésie la plus riche, au point de vue sol, par exemple. OK. L'autre côté, c'est des montagnes, puis c'est des pêcheurs. De ce côté-ci, c'est des agriculteurs. Des agriculteurs. Okay. Donc, il y en a un qui est riche, puis l'autre qui est pauvre. Il y a deux Gaspésie, en fait. Il y avait deux Gaspésie. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent en Gaspésie. Y compris dans le domaine des sciences. Ah oui, ils ont essayé la Gaspésie, là. Ça devrait bien aller, ça. Ah, puis, oui, t'es né en quelle année? Moi? 1932, c'est-à-dire trois ans après la crise. Mais je pense que moi, j'ai pas senti de crise du tout. Ben ouais, t'étais... J'ai été reçu le septième enfant de ma mère. OK. Et puis, je n'ai eu aucune difficulté dans ma vie. La difficulté, je parle de barrières qui te restent comme traumatisme. Non, bon. Moi, j'étais un petit bonhomme souriant et actif et prêt à aider. T'as des grands frères et des grandes sœurs? T'as pas de petits frères ni de petites sœurs? Oui, moi, je suis le septième, puis ma mère a eu 9 enfants. Au total. Ah, OK. Donc, j'ai... 5 sœurs plus âgées que moi. OK. Puis un frère qui était le plus âgé. OK. Puis derrière moi, il y a 2 de mes frères. On est les 3 seuls qui sont vivants aujourd'hui. Oh boy, hein? C'est... Les 3 plus jeunes. OK. Quand même. Mais ton plus vieux frère aurait passé 100 ans certain, là, si t'es né en 1932. Mon plus vieux frère, Jean-Paul, justement, je travaille là-dessus actuellement, moi. Son fils, Michel. OK. Issu d'un mariage que lui, mon frère, avait fait avec une Écossaise. OK. Donc, qui était anglophone. Après, moi, je ne l'ai pas fréquenté beaucoup. Je ne connaissais pas. Mais il s'est expatrié aux États-Unis. Et il est devenu le propriétaire, le président de la Vermont Telephone Company. Oh boy, hein? Et puis là, il est en train de faire l'histoire de son père, la biographie de son père. Ben, c'est cool, ça. Et puis il passe par moi pour avoir des informations, parce que lui est allé au collège Mont-Saint-Louis, comme moi. OK. Et comme moi, quand je suis passé à Mont-Saint-Louis, j'étais... le sixième guidé qui passe depuis que mon père avait gradué du Mont-Saint-Louis en 1900. Ça a pris J'étais le septième guidé qui passait là. Quand on était connu, on prenait le guidé de la Gaspésie au Mont-Saint-Louis. Il fallait être pas mal bien organisé en 1900 pour... s'expatrier de la Gaspésie à Montréal pour prendre un cours Ah oui, oui, c'est... au Collège Mont-Saint-Louis, qui était un cours réputé en sciences et commerce. OK. Tu l'as fait en quel moyen de transport, ce premier voyage? Tu sais, 1900, il n'y avait pas de train, souvent. Non, je m'imagine que oui, je sais pas. Je sais que vous parlez... Mon père, il parlait de son père, qui okay. était un marchand aussi. Puis quand il faisait ses voyages en Gaspésie, en bateau à voile, à goélette, petite goélette. Hey, hein? C'est capoté. Et le grand-père, il a été député à Ottawa. Et puis ça, c'était en 1897, je sais, comme ça, ou peut-être non. Plutôt que ça, là. Ah ouais, hein? C'est, ça pas loin après la Confédération, en fait. On a dit, 1867, je pense, notre Confédération. Oui. Non, je pense que c'était 10 ans plus tard. Aïe, aïe, aïe. Guité était déjà le pied dans le puis pouvoir. Il se rendait à Québec à cheval. Aïe, hein? C'est capoté, ça. Aller voir ses commettants, c'était un paquet de troubles en sapristi, ça. Est-ce que ça... Parce que toi, t'as été impliqué politiquement aussi assez tôt dans ta vie. Non, pas vraiment, parce que, mais en 1932, cours élémentaire à la petite école à côté de chez nous, okay. avec une excellente maîtresse, jusqu'à la sixième année, okay. ou la septième année, si tu veux. Et après ça, à 13 ans, pensionnaire à Montréal, Mont-Saint-Louis, dans un collège qui a été, pour moi, une excellente expérience, positif au maximum. Les frères connaissaient mes frères, les frères des écoles chrétiennes connaissaient mes frères. De la famille guittée. Connaissaient la famille, puis ils connaissaient mais surtout papa, parce que lui, il y avait déjà, à cette époque-là, quand j'ai commencé, il était toujours marchand à New Richmond, mais le magasin a brûlé, puis lui, ma mère avait déjà expérimenté sur le bord de la rivière Cascapédia, à côté de la maison chez nous, sur un beau terrain qui donne sur la rivière, bâti 3-4 chalets en bois rond, faits par les Indiens de Maria, les Mi'kmaq, hein, qui ont travaillé pour mon père pour construire son hôtel plus tard. Mais elle avait déjà expérimenté un peu le côté touristique. Et quand le magasin a brûlé, ils ont décidé de s'installer, d'acheter un terrain à Percé. OK. Au pic de l'Aurore. Un cap à 500 pieds. Donc, comme ça. Ah, c'est cool, ça. Et puis... Fait que là, ça, c'était comme au bout de la Gaspésie. Fait que c'est entre la riche puis la pauvre. Là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était le site par excellence, le Rocher Percé. Ah, ça, oui. Il n'y avait rien à Percé. Il n'y avait pas un hôtel à l'époque. Fait qu'il aurait été un petit peu visionnaire. Ben, pas mal visionnaire pour décider d'aller investir là-bas. Ben oui. Puis il avait déjà pris des contacts par ma mère, qui, elle, opérait un peu l'hôtellerie. OK. Il avait déjà pris des contacts avec... les compagnies new-yorkaises de tours autobus qui faisaient des circuits. Donc, il y avait déjà des arrangements quasiment avant, au moment où il s'est mis à construire puis à vraiment dépenser parce que on construit gros là. C'est ça, ça devient... un hôtel de 18 chambres, salle à manger, 80 personnes, tout vitré, tout en bois rond, avec une dizaine de chalets en bois rond, encore une fois bâti par... les amis de papa, là, Louis et compagnie, ça. Puis toi, t'avais quel âge à peu près à cette époque-là? Le Pic de l'Aurore était construit en 1932, 1933, 1934. Oh boy, OK. Fait que c'est dans tes vieux souvenirs de voir, peut-être des affaires, tu te rappelles même pas de voir de la construction, puis des gens monter des chalets. Ah non, j'étais trop jeune. Ouais, mais ça, c'est peut-être venu marquer le jeune Guité qui est devenu un architecte par la suite. Là. Quel âge j'avais? Tu vois, naissant, puis on allait à l'école, puis chaque été on revenait à Percé. Tout déménageait. Ils allaient réouvrir l'hôtel chaque année, mais au début, on était gardés par des bonnes qui nous s'occupaient des autres, parce qu'il y avait du monde là, qui travaillait. Là. Mes soeurs qui étaient plus âgées travaillaient en salle à manger. Mes frères qui étaient plus âgés travaillaient au bureau. C'était une époque où tu pouvais faire travailler tes enfants, c'était normal dans le temps. Là. Ben, c'était absolument normal. Ben oui, c'est plus la même affaire à ce temps. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père, il me faisait faire les fins de semaine, on allait bûcher du bois dans le bois. Ça a été très formateur, mettons. Puis sinon, ben là, on est en Gaspésie, tourné en 1930. Et est-ce que t'as été un fan de cinéma? Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Est-ce que c'était disponible pour toi quand oui, c'était jeune? Disponible. Les souvenirs qu'on avait, c'est qu'il y avait une salle de projection de cinéma le samedi soir à New Richmond Centre. C'est-à-dire que New Richmond, c'est bâti de... Il y a une partie que je borde à bord de la baie. OK. Qui est très anglophone. Et puis, l'autre partie qui est plus vivante, c'est celle où il y a la gare qui est juste un kilomètre plus loin. OK, ça c'est New Richmond Centre. Mais sur le bord de la rivière. La rivière Cascapédia, c'est toute une belle rivière. C'est une des belles rivières de la Gaspésie. Décris-moi la don en quelques mots. La Cascapédia. Il y a deux, la Cascapédia, la petite et la grande. OK. C'est deux des rivières. Il y en a une qui arrive à Maria, puis l'autre qui arrive à New Richmond. C'est une rivière à saumon magnifique. Je sais pas combien de kilomètres. T'allais pêcher là quand t'étais jeune, toi? Ben, ouais. La maison était donnée sur la rivière. OK. C'est que la maison était ici, puis un petit peu plus bas. Ça donnait sur la rivière, puis il y avait la grange qui était là, puis le garage en haut. Puis un petit kiosque, puis quand même. Fait que c'était comme plus bas, ta rivière plus à bas toi. De la route, en face, pas en face de la gare, parce qu'il y avait un chemin, puis il y avait des maisons, il y avait la gare qui était juste à côté. T'entendais le train arriver aussi. Là. Et là, à droite, t'avais la beurrerie. Ah? La beurrerie, ça, je m'en souviens très bien. Oh, c'était un bâtiment très ordinaire, genre en bois. Et puis, qui était isolé avec des blocs de paille. Ah, boy! Hein? Plancher jusqu'au plafond. C'est de courir et puis, après le tour. Il allait sur la rivière. Il coupait des blocs de deux pieds par deux pieds par deux pieds, puis il cordait ça, puis il mettait un autre rang de paille, puis ça restait froid jusqu'à l'été. Oh, OK, je comprends. Il allait chercher de la glace dans la rivière, puis il allait... Oh boy! Hein? Il y avait un mur de glace. Aïe! Wow, c'est pas mal. On allait les voir couper la glace, tu comprends? Ben oui. Quand on s'en face chez nous. Là. Sacré processus, ça, pareil. Ouais, il y avait des gros scies, là. C'est quoi, ils se mettaient à deux, trois gars, puis il y avait comme des grosses pinces aussi, pour exactement. Sortir ça, là. Ah oui? Aïe, ça, c'est capoté. Puis, ben, on parle... Avec un cheval et un traîneau, tu sais, la glace, je te dis, sans blague, là, c'était des blocs comme ça, là. Puis là, il allait corder ça, faire un bel igloo intérieur pour garder le beurre frais. Tout le monde amenait ces trucs-là pour garder au frais les choses périssables. Ah ouais, OK, c'était comme un oui, projet communautaire un petit c'était peu. Municipal, oui. Ah boy, c'est donc bien cool, ça. Hey, ça existera plus à cette heure, ça. Mélanger toutes les affaires en même temps, les affaires périssables, là. Ta bouffe halal est venue toucher à mon affaire cachère, puis des affaires comme ça. Ça sera plus la même donne pendant tout. Mais on parlait du cinéma de New Richmond Centre. Non, mais c'est ça. C'était évidemment la folie, comprends. Surtout qu'ils nous gardaient prisonniers un peu, parce qu'il y avait toujours, une série. Une série sur Batman, ou sur, je sais pas, Zorro, ou sur n'importe quelle aventure, là. Pourquoi t'as dit Zorro en premier? Pourquoi? Ah ouais. Je cherche juste c'est celui. Un nom à donner à des héros. C'est celui qui tu te rappelles le plus. On est les porte-pour aussi, hein. Zorro, c'est le premier Batman, c'est le premier de beaucoup d'autres super-héros après. Tarzan. L'aventure de Tarzan. Enfin, c'était rare que. En fait, on allait voir des séries. C'est souvent des suites. Le film principal, je ne me souviens pas vraiment, le film principal qui m'a impressionné à voir, C'est fantastique, série. Ah, c'est super beau, ça. Fait que dans le fond, t'avais comme un épisode à chaque samedi. C'est pour ça que tu dis que vous étiez un peu prisonnier, parce que s'il va pas samedi prochain, tu sais pas c'est quoi la suite des aventures de Zorro. Oui, toute part, ça nous attirait aussi. Hein. OK, OK. Il y avait toujours la période des cartoons aussi. Ah, ça, avant chaque représentation, tu avais peut-être 15-20 minutes de cartoons les plus stupides que tu peux trouver. Là. Ouais, dans le temps, il y avait moins de barres. Qui nous faisait rire. T'en as-tu un que tu te rappelles en particulier? T'étais là quand Bugs Bunny est né, genre, c'est capoté, ça. Je me souviens pas de son nom, là. Le coq intelligent. Ouais, c'est, y a un nom vraiment compliqué, lui. On est reviendra. Puis ça, c'est avant la couleur, là. Toi, t'as vu le début de la couleur aussi, à la TV. Ouais. Ça t'a-tu marqué beaucoup, ça? La télévision? Ben, mettons, au cinéma, à un moment donné, tu vas voir un film, « Ah, il est en couleur! » C'est-tu comme ça que ça s'est passé? Non. Je me souviens pas du tout, je dis. Ah! C'est correct. Puis sinon... Ça va pas trop... Ben, ça, c'est sûr que ça a précédé tout le monde de voir « Oh, c'était beaucoup plus clair, tu comprends? » Ben oui. C'est la clarté, surtout. Ah ouais, OK. Tout était comme plus défini, les lignes, tu reconnaissais mieux les personnages et tout. Capote. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à exagérer, c'était des couleurs TV, tu sais. OK. Ah, ça, c'est vraiment stupide, je trouve. Tu sais, il y a des couleurs qui sont, comment on peut dire, acceptables. Okay. D'autres qui ne sont pas. OK. Non seulement, il y en a qui sont faites pour la télé, dans le sens que tout l'éclairage extraordinaire qu'ils ont. Je parle surtout pour les interviews, là, des trucs. Enfin, mais par contre, quand le séjour au Mont-Saint-Louis, ça, c'était un séjour important. De quoi, ça? Le séjour au collège Mont-Saint-Louis. Ah oui, on ça, c'était un séjour très important. Là, t'as 13-14 ans, à peu près, là. J'arrive, j'ai 13 ans. OK. Et puis, justement, c'est la fin de la guerre. Oh, 45. Ah, ça fait du bien, hein? Puis en même temps, ça a été droit assez drôle, la déclaration de la fin de la guerre. Quand même, j'ai pris congé, puis envoyé tout le monde là, dans la rue. La rue Sainte-Catherine était bloquée. Nous, on s'amusait. Les tramways qui passaient étaient reliés à un fil électrique avec une roulette. Ouais. Tout ce qu'on avait à faire, c'est tirer sur le câble, puis le tramway s'arrêtait. On arrêtait tous les tramways. Il y avait. Bon, non, t'as pas de danger de te faire électrocuter. C'est un câble qui est bien isolé, genre. Sacré Rodrigue. Bad boy. Puis ça, Sainte-Catherine, tu parles de celle de Montréal, là, celle qu'on connaît, là. Oui, okay. Oui. Ben, le collège Mont-Saint-Louis, c'est en plein cœur de Montréal. Ah ouais? C'est Ontario, Sherbrooke, Hôtel de Ville, Sanguinette. Ah oui, okay, c'est pas loin de chez nous, ça. OK. Mais en haut, tu vois l'édifice qui est en haut, là, qui a été conservé. Ça a formé des cerveaux? Ouais, le dortoir est en haut, au dernier étage. Nous, on était des pensionnaires, tu comprends? On vivait au collège. Là, moi, je vais aller me chercher une petite bière, puis prends ton souffle, là, je veux que tu me parles de quand tu as rencontré l'amour pour la première fois. La première fois que tu t'es rendu compte que c'est intéressant, les madames, pour des raisons que tu comprends sûrement pas encore, ou peut-être. Comment elle s'appelle, non? Son nom. Puis, tu te rappelles de quoi, d'elle? Son visage, où vous vous êtes rencontrés? C'était encore au collège Mont-Saint-Louis. OK. Et comme la famille était connue, puis juste pour une petite anecdote, dans le sens que le paternel, il avait fait son cours terminé, le patriarche. Il était très connu au Mont-Saint-Louis. Ah ouais, hein? T'allais dans les pas d'un guité célèbre. Oui, il était très connu, puis il avait l'autorité aussi. Puis tu dans le sens qu'il avait son hôtel, puis il avait besoin de ses garçons pour travailler à son hôtel quand il ouvrait l'hôtel. OK. Pas quand l'école terminait. Je comprends. Donc, on passait nos examens souvent 2-3 semaines avant les autres pour pouvoir... Allez, ça a fait le camp Gaspésie. OK. Et puis on arrivait souvent 2-3 semaines en retard au septembre parce que l'hôtel n'était pas fermé. Ça passait ça. Ben, vous aviez des bonnes notes pareilles. Si, wow, si les résultats étaient là, ça va mieux que travailler. Ça, oui, hein? Exactement. Ouais. On était dans assez bon élève. Ouais. Tu voyais ça comme un défi, toi, de... Un privilège, un défi, tu sais, de pouvoir faire. T'avais moins d'école, dans le fond. Ben, je veux dire, moins d'école. On trouvait ça emmerdant, nous, d'être différents des autres. Ah! Mais le père, c'est beau, jeune. Puis tu fais parce que tu vivais ça avec tes petits frères, là, comme tu disais tantôt. Oui. OK. Ben, c'est vrai, on partait au prince. Moi, je suis arrivé là, mon frère était déjà là, mon frère aîné, qui est 2 ans plus âgé que moi. Puis. Il a eu une grande influence sur moi, dans le sens que lui était déjà un ancien, pas un ancien, mais quasiment. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. C'est... Puis, comme il était un bon athlète, il était présent un peu partout. J'étais... Ça, c'est une autre facette de toi qu'on va parler tantôt, là, le Rodrigue athlète, là, c'est sûr et certain. Mais moi, l'idée du voyage, ça me fascine encore un peu. Là. Voyage? Le voyage de Gaspé, de Percé, oui. Jusqu'à Montréal. En quoi, là, on est en 1945-1946. En train. Tu faisais ça en train, hein, c'est capoté, ça. Il doit avoir plein de belles images, tu repenses-tu à ça? Non, c'était des bons voyages. Vraiment. C'est sûr. Pas des images, mais des images fortes. Bon, on s'amusait bien parce qu'on dormait pas beaucoup, on partait de là. Puis souvent, c'était avec d'autres élèves qui étaient de les régions aussi. Parce okay. que ce qui était, comment je peux dire, fraternel, d'autres, c'est ceux qui étaient là pour y arriver en septembre, puis y aller pour les vacances de Noël, soit en Abitibi, soit en Témiscamingue, soit au Lac-Saint-Jean, soit en Gaspésie. Il y en avait de toutes les régions. Le terroir. 2 ou 3. OK. Fait que tout le monde partait, ça faisait drôle. Oui, ça faisait comment je... une bonne amitié, oui. Ah oui, une camaraderie, là, tu vis ça en gamme. Tout le temps, on était ensemble au collège, puis on était, faisait partie d'équipes de toutes sortes aussi ensemble, puis... Oui, enfin, c'était très... Moi, ça a été une superbe expérience, d'autant plus que l'atmosphère était bien relaxe. Pas religieux, poussé à l'école. Poussé du tout. Tu veux dire l'ambiance au collège Saint-Louis? Les frères, même. Ouais, ouais, ouais, l'esprit ouais. Des frères. Ça, c'était il... comme c'était le. Mont-Saint-Louis, c'est leur collège. Ils ne gavaient pas de Jésus. Leur collège puis... Lanterne. OK, OK. Et puis qui était, comment je veux dire, affilié aussi aux frères des écoles chrétiennes américaines. OK. Fait qu'il y avait des échanges, tu vois, avec des frères anglophones qui arrivaient. Et après, bien, pour les Français, mais. Il se faisait comprendre en anglais aussi. C'était, comme je te dis, c'était pas poussé sur la prière non plus. Ouais, ben c'est ça. Poussé sur le sport. Ouais, ouais. Et ah, sur les sciences. J'aime ça. Ça devrait être ça une école, quant à moi. C'est, oui. Puis sinon, ben, on a fait des détours, mais reparle-moi encore de la première madame qui a fait battre ton cœur. Ouais. T'étais au collège Mont-Saint-Louis. Justement, on parle de l'esprit du collège, c'est que... Étant pensionnaire, on avait des sorties. Oui. Et puis moi, j'avais mon frère qui habitait, mon frère aîné, qui était passé par le Mont-Saint-Louis aussi, puis qui habitait Montréal, et puis qui avait besoin de gardien pour ses enfants, et qu'on allait garder ses enfants, avec une permission de mon frère. Fait, ouais, oh, c'est quoi? Cool. En fin de semaine à moi. Puis là, t'allais garder tes neveux, tes nièces. Oui. Ou bien, on avait une permission du frère Urbain pour rentrer à minuit. Il serait là pour nous ouvrir la porte à minuit. Fait qu'on pouvait aller au dancing, qui était pas très loin, chez les Latins d'Amérique. Oh! Ou une fois par semaine, le samedi soir, il y avait une soirée dansante. Fait que c'est là que j'ai rencontré... cette belle amie. Enfin, on s'est embrassé. On n'est pas allé plus loin. Non, t'es déjà allé first base, t'es aux premières bases, première soirée que tu l'as rencontré. Non, on s'est rencontré à la table, puis on a dansé ensemble, puis on s'est donné rendez-vous pour l'autre vendredi, puis l'autre vendredi, puis l'autre vendredi. T'as fait ça dans les règles. Ah, oui. Une cour en bonne et due forme. Oui, mais j'étais totalement ignorant, comme on était tous à l'époque. Là. Ouais. Mais en fait, on était naturel. Tant pis. On avait on devait avoir une bonne attitude, mais toujours est-il que ça a été la déception, dans le sens, on s'est revu, moi, je suis retourné en Gaspésie. Ah, pour l'été. Lui avait écrit une lettre pour me dire que elle habitait dans une famille famille pauvre, non, pas pauvre, mais famille modeste. Très modeste, oui. OK. À Ville-et-Mort. Mais c'est bien, j'étais allé chez elle un soir. J'avais-tu apporté une bouteille de vin? Je pense que oui. Enfin. Mais, quand je suis retourné à Gaspésie, elle m'a écrit une lettre pour me dire que on était vraiment de deux milieux tellement différents que ça ne pourrait pas marcher. Parce que tu étais comme du terroir aisé, puis elle était de la citadine pauvre, genre modeste. Ouais. Ah ouais, hein? Puis il y a une lettre en plus, tu peux pas répondre à ça, là, tu sais pas quoi répondre. C'est la dernière fois que tu l'as vu. Hein? Non. La plus drôle des choses. Bon, combien d'années après? Tant d'eux. J'étais marié, puis j'habitais autrement, dans une maison, avec ma femme et puis mes trois enfants. OK. Ah, fait que c'est quelques années plus tard, quand même. Non. Oui, mais moi, je suis marié en entrant en architecture. OK. Quand je suis sorti, j'avais trois enfants. Et le diplôme. Bravo, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça. Donc, quel âge tu dis? Ben, je sais pas. Là, tu retournes travailler l'été, elle t'envoie une lettre. Ah ouais, tu reviens. Quelques années plus tard, tu la croises, mais là, t'es rendu marié et t'as trois enfants. Je la croise pas. J'suis en train de regarder la télévision, le téléphone sonne. Et puis, il y a quelqu'un qui répond. Tout de suite, je dis Lucie. Elle s'appelait Lucie. Tu viens de te rappeler de son nom, d'où? Ben, juste savoir. Je dis, oh, très bon. Puis là, elle me dit que c'était juste pour entendre ma voix. Puis j'ai demandé où je pouvais la rejoindre, puis elle a refusé. Elle a encore décidé. Elle a décidé deux fois d'affilée sans demander ton avis. Et puis, la troisième fois, j'ai réussi à trouver son adresse, je l'ai appelée, puis je suis allé prendre un verre de bière avec elle. Ah, oh, t'étais encore sur l'enquête, toi? Ah, ça fait longtemps, ça fait peut-être 10 ans de ça. Ouais, mais je veux dire, t'as jamais comme vraiment fait la paix avec la situation tant que t'étais pour pas... parce que ça faisait deux fois qu'elle t'obligeait à vivre une situation plate, là, où... Elle partageait pas la situation avec toi. Mais là, toi, t'as décidé de... C'est vraiment, sûr. C'est vraiment curieux, hein? Non, mais j'aime ça. C'est sûr et certain que tu l'as aidé à maturer, elle. Là. Elle peut pas décider de ses émotions, du monde comme ça. Puis en tout cas... Puis là, on finit ça avec Lucie. Là. Une couple d'années plus tard, t'es allé boire un verre de bière avec elle. Ouais. Tu l'as retracé. Comment tu l'as retracé? Non, je me souviens plus. Tu y pensais pas chaque jour, là. C'est pas une quête. Pas du tout. C'est ça, c'est qu'à un moment donné... Dix ans. C'est ça. À un moment donné, genre, t'as rencontré quelqu'un qui travaillait pour la compagnie de téléphone. Tu lui as dit, peux-tu me retrouver le nom de Lucie Charpentier, voir. Puis là, t'as... J'essaye. Ça, c'est plausible un petit peu. Pourquoi ça? Je pense qu'il m'a appelé. Je suis allé m'inviter. OK. On y reviendra. Sinon, là, on va retourner encore au Mont-Saint-Louis. Non, mais à ce moment-là, là. OK. Je sais pas, il devait avoir 60, 70. Il y a 50 ans, on dit, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça comme fabuleux comme circonstance. Pas d'attirance du tout. Je veux dire, pas d'attirance dans le sens de. J'ai envie de me lancer dans tes bras, tu m'as manqué. Ça. Non, c'était. C'était de. Comme une beauté. Je ne me voyais pas être capable de vivre avec une personne comme ça. Bien que je la trouvais formidable. C'est ça, t'as. Anyway, elle t'a enlevé le droit de choisir. Elle a décidé. Elle était fidèle jusqu'à la fin. OK. Sacré Rodrigue. Elle était habillée comment? T'es allé chez elle? Oui. Dans Hochelaga Maisonneuve. OK. Puis elle était habillée comment? Comment? Qu'est-ce que tu te rappelles de l'image de Lucie la dernière fois que tu l'as vue, quand tu l'as vue? Elle était dans le cadre de porte, elle est venue t'ouvrir, genre. Elle était surprise, l'as-tu avisé? Non, je pense qu'elle m'attendait, oui. Je fais donc qu'on s'était appelé avant, oui. OK, OK. T'as été smart. C'est mieux d'avertir la dame. Ah, oh ben, écoute, tu devais être sûr qu'elle va être là, ça. C'est, ouais. Voilà. Voilà. On en reparlera une autre fois. Touche-moi, man. Non, mais rien d'autre, dans le sens que. Je sais pas si. Je suis immatriculé. Pas immatriculé. Immunisé. Contre. Le souci. Ça, t'as appris ça jeune, c'est pas elle qui te l'a appris non plus. Ben, à un moment donné, je travaillais sur, dans mes pensées parce que c'est ça que je trouve le plus important de laisser une biographie, c'est-à-dire tes pensées. Ça, c'est sûr. Tout ce que je fais depuis. Bon. T'essaies de. 40 ans. C'est de traduire mes pensées. Et puis je continue, puis avec un plaisir énorme, parce que, en réalité, on parlait de scribe tantôt. En fait, je ne suis qu'un scribe, dans le sens que, à capter les pensées, les échos, les bruits de la vie, en général, je dis les bruits de la vie, ça veut dire l'actualité aussi, ça veut dire la réalité. Puis de les réfléchir à ton tour. Ben oui. Dans les deux sens. Y réfléchir et les réfléchir, comme un écho. Puis aussi. Moi, ça me captive assez que la réponse. Je fais une coupe d'heures de travail là-dessus. Je vais jouer avec un plaisir immense dans le sens. Ah. Corrige. J'interprète tout bien. Je fais. Ça te vient de où, ça, institue, tu penses? Hein? Ça te vient de où, ça, tu penses? Cette envie de rigueur partagée, là, genre? C'est pas de rigueur, c'est de cohérence. Hein? Donc, c'est un petit peu la même affaire. Hein? T'es très critique envers ton processus et t'as pas peur de revenir dessus, genre de retravailler tes idées? Absolument pas. Dans le sens que je base la chose entièrement sur un mot, la confiance. Et quand le professeur de Kung Fu parle de l'attitude ou le regard animal, il parle justement de l'attitude. La confiance en soi. Oui, c'est ça. Ça reflète la confiance en soi. Ah oui. Et la confiance en soi reflète confiance en l'autre. Je suis très d'accord. La confiance en soi, ça te donne l'assurance, une assurance dans le sens que tu fermes pas la porte à l'ouverture. Tu es en quelque sorte neutre. Moi, je trouve que la confiance en soi, c'est une des meilleures manières aussi de s'éloigner de l'instinct de survie qui a peut-être géré beaucoup d'êtres humains pendant longtemps. T'sais. T'es pas comme tout de suite à passer en zone de protection. T'sais. T'es pas en affût non plus. C'est ça. T'es pas en train d'essayer de tendre un piège à la vie. T'es capable d'en prendre. Tu te laisses ouvert à ce que la vie peut t'envoyer quand t'as confiance en toi. Mais supposons que tu arrives à une table de négociation, puis vous êtes trois personnes, vous ne connaissez pas, vous avez à négocier une chose, peu importe laquelle. C'est là que tu vois vraiment ce que vaut l'attitude. Mais aussi, pour faire un petit lien avec ce dont je veux parler là, je veux qu'on retourne au collège Mont-Saint-Louis. T'as parlé sport et sciences. Là, on va parler du Rodrigue sportif. Oh! Je pense que l'aspect confiance en soi est beaucoup aidé par un corps actif. Puis toi, t'as été extrêmement sportif dans tes belles années. J'ai entendu parler de Rodrigue boxeur, de Rodrigue acrobate. T'as fait du cheval aussi beaucoup. Développe Mont-Saint-Louis sport. Mont-Saint-Louis, c'était une école fabuleuse. Dans le sens, je dis fabuleuse parce qu'aujourd'hui, quand je le regarde, quand je l'ai vécu, c'était facile. Je suis arrivé à 13 ans, effilé, dans le sens, très actif, mais pas très musclé. OK. Et puis en arrivant, t'entendais, il fallait que tu fasses partie d'un club quelconque. Par rapport à tes frères, genre, parce qu'eux autres, ils étaient connus, là, t'étais-tu comme le... Mon frère était déjà dans un club de boxe, puis il était un des bons boxeurs. C'est ça, il avait fait sa couenne, là, fait que là, t'étais le nouveau guité, là, fait que peut-être tu te faisais plus tester par les autres aussi, ou les attentes étaient différentes, là. Non, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de fraternité, là. Ah, cool. Dans le sens que tu t'es inscrit en gymnastique spéciale, par exemple, c'est-à-dire, ça, c'est extra du programme, en soirée, en plus, c'est intéressant, tout le monde dort, toi, tu fais de la gymnastique. J'avoue. Mais mon frère faisait partie aussi du club de gymnastique. Donc, je t'ai inscrit facilement, ça marche, avec une couple de routes de mes amis. On a vraiment fait du bon boulot, c'est-à-dire qu'on a appris la souplesse. La souplesse. Moi, je t'ai vu faire des chin-ups il y a quelques années, même pas. T'es encore capable, ça presti. C'est une routine que t'as développée là aussi. Là, oui, absolument. Il y avait la gymnastique, il y avait le hockey, bien sûr. Puis, rapidement, mon frère aussi était un club de hockey, c'est que rapidement, monter en grade, je vais devenir... capitaine de l'équipe de hockey, puis... Toi, t'étais capitaine d'une équipe? L'équipe du collège, oui. Oh ben ça, j'en apprends! C'est apprécié! Puis là, on est dans quoi, là? On est en 1956. Le gardien de but, numéro 1, puis moi, j'avais le numéro 2. C'est fair. C'est quoi, ce numéro 2? C'est pas le genre de niveau? Non, ça n'a pas d'importance du tout. Ben, à l'époque aussi, il n'y avait pas de... À l'époque, c'était une sorte d'hierarchie. Il y avait le gardien de but, puis ensuite, il y avait le capitaine. Il y avait les joueurs. Ouais. Après, il y avait les joueurs. Puis, t'as-tu joué comme avec des vedettes, là? Tu peux-tu dire, moi, j'ai déjà plaqué, genre, boum, boum, Jeff Lyon, ou... Non. Je suis sûr que c'est arrivé, mais tu t'en rappelles pas. Ah, non, c'est sûr que j'ai pas joué contre Jeff Lyon. Ouais. Jeff Lyon, il a été présent au Mont-Saint-Louis à une certaine époque, quand j'étais là. OK. Mais pas du tout dans l'équipe du collège. J'étais dans une équipe junior à l'extérieur du collège. Et puis, je sais pas quel arrangement qu'il y avait, mais ça n'a pas été un gros étudiant. C'est capoté. Il était avec l'autre. Il était trois d'une ligne, junior, majeur, et trois des grandes vedettes. J'avais lui, puis deux autres. C'est capoté. Moi, j'ai dit un joueur au hasard, puis là, tu vois, t'as une anecdote, puis il était à l'école avec toi pendant 10 mois. C'est l'école vraiment... que j'ai jamais vu au collège. Non, bon, la légende voulait qu'il soit là. Non. Sinon, à part là. Inscrit, c'était suffisant. Ah, je comprends. Les arrangements qu'il y avait avec la ligue. Puis, team-là, là, mettons, on a parlé de hockey, on a parlé de gymnastique, c'est des routines qui te sont restées. Ben, la gymnastique, en tout cas, ça va nous mener vers les clowns peut-être tantôt. Oh. Mais est-ce que tu as un sport que tu préfères que les autres? Ah, il y avait le tennis. J'ai joué au tennis toute ma vie, pour le reste. Ah ouais, hein? C'est-tu une passion que tu as partagée avec tes enfants, ça aussi? Pas vraiment, parce que à partir de ce moment-là, je jouais beaucoup moins, puis je cherchais des joueurs plus habiles. Ah! Plus habiles! Oui. Il manquait de défis pour mon Rodrigue d'amour. Oui, oui, on a joué beaucoup, mon frère et moi, à Percé, à Gaspésie, au tennis. En grande partie, à cause de notre beau-frère Edmond Bourbonnais, un Américain, un franco-américain. OK. Qui a marié ma soeur. Lui avait été champion dans le Massachusetts quand il était jeune. OK. Il venait passer des vacances à Percé, puis c'est lui qui nous entraînait. OK, fait que tu t'as donné... On était rendu pas pire. T'as donné des petits trucs d'insider. C'est bon, ça. Puis là, on finit le Collège Saint-Louis. Le Mont-Saint-Louis. Ah, je sais pas, tant que... Avant de terminer au Mont-Saint-Louis, j'ai décidé d'opter pour l'architecture. OK. Au lieu d'aller à Polytechnique. Oh boy, yeah. Parce qu'ils font pas d'architecture à la Polytechnique. Non, on ne fait pas d'architecture à la Polytechnique. C'est pas la même affaire. Polytechnique, c'est génie mécanique, génie électrique, génie... C'est bon. Puis l'architecture lui fait comme l'affaire dans laquelle on met tous ces génies-là. Non, l'architecture, c'est les concepteurs. En fait, l'ingénieur peut faire le moteur, mais toi, tu vas faire la carcasse. voilà. Puis, là, ça veut dire que tu finis le Mont-Saint-Louis vers quel âge, à peu près? On est en... On est en 58. 58, c'est ça. Donc, j'ai quoi? Si je compte bien, 26 ans. Hein? Non, excuse-moi, pas 58. J'ai fini architecture en 58. Ouais. Donc, j'ai fini en... quoi? 5 ans? Non. Finir en architecture en 58, ben, j'ai fini en 53. OK. Le Mont-Saint-Louis finit en 53, ça veut dire, si je compte bien, t'as 21 ans. 20 ans à peu près. C'est bon, ouais, ça me va. 21 ans. On va se laisser... Et puis c'est là que je me marie. Où tu l'as rencontré, ta première femme? À Percé. Ah, OK. Fait que tu t'étais fait délaisser par quelqu'un de la ville, fait que t'as dit, je vais y aller dans mon terroir. Non, c'est pas ça. Elle travaillait dans un hôtel au village, okay. Moi je travaillais dans un hôtel sur la côte. Fait qu'on s'est rencontrés. Vous avez un petit peu les mêmes horaires, vous finissez à peu près de travailler en même temps. On s'est vu, quoi, puis on s'est embrassé. Première fois que tu t'es vu? Je me souviens pas, c'est la première fois, mais... On s'est pas dû prendre de temps, du coup. Sacré Rodrigue. Ben quoi? Ah, c'est naturel. Là. Ben oui, let's go. Bon, ça, c'est vrai. C'est la même chose. Et quel est ce nom? Quel est le nom de ta première femme? Ah, Marie-Paul. Marie-Paul. Qu'on appelait Polo. Polo. Je vois pas de madame en disant Polo de nos jours, mettons. Ben, les surnoms. Je remarque que c'était assez, comment je peux dire, osé à l'époque. Partir de Montréal, puis aller s'engager dans un petit hôtel à Gaspésie comme serveuse. C'est vrai. Ouais. Ben, c'était aventureux, ça. Mais moi, je partais, en fait. J'étais un peu un citadin aussi, parce que je passais 8 mois d'année à Montréal. Ben oui, c'est vrai. Ça faisait quand même une couple d'années que tu étais dans le Vieux-Port et tout. Puis là, ben, vous êtes mariés un été, toute la famille était... Non, on s'est mariés au Mont-Saint-Louis. Ah ouais, hein? Le Mont-Saint-Louis venait de construire un nouveau gymnase l'année précédente avec une grande salle de réception au-dessus. Fait que on a décidé de faire ça là, pourquoi pas? Vous avez déviergé la salle. Quasiment, oui. Puis, c'était sympathique de rencontrer les anciens profs qui avaient été des complices, tous deux. tout le long de notre séjour là. Ben oui, puis peut-être de ton père aussi dans le passé. Exactement. Ah oui? C'est donc bien bon ça. Puis qu'est-ce que tu te rappelles du mariage? Hey, tu peux pas t'imaginer. Ton premier mariage. Ah, tu peux pas t'imaginer. Je sais pas si t'en as eu d'autres, en fait. Non, un mariage, mais... Deux familles. Un mariage officiel. Ouais. Mais un deuxième mariage non officiel, avec trois autres enfants, quoi. OK. Mais là, on reste dans le premier, on est avec Marie-Paul. Avec Marie-Paul. Avec Paulo. J'étais déjà en première année d'architecture. C'est-à-dire, j'avais commencé en septembre, puis là, on s'est marié en avril. OK. Puis, l'année en architecture, la première année, c'était un désastre. Dans le sens que, il n'y avait pas de... On se déplaçait, c'était justement l'endroit où j'avais rencontré... Lucie. OK. C'était une salle de danse. Ben, il louait une salle de danse la semaine avec 50 tables à dessin. Puis, il fallait rentrer ça chaque soir. On avait nos cours, complètement à l'envers. Je comprends pas l'affaire des tables de dessin. Vous avez rentré ça chaque soir? Non, pas chaque soir, le vendredi soir, c'était là. OK, OK. Une fois par semaine, il fallait rentrer les tables. Bon, toujours est-il que c'était tellement désorganisé que j'avais pris des contacts avec les Beaux-Arts de Paris. OK. J'allais faire mon cours à Paris. Pendant l'année que j'étais à l'école, il y avait un prof de français, puis avec lui, on avait organisé ça, avec les contacts qu'il y avait là-bas, etc. Puis, moi, toujours, est parti, avec, toujours... qu'on s'est marié, puis on a pris l'avion jusqu'à New York, puis on a pris le bateau jusqu'au Havre, on s'est rendu jusqu'à Paris, pour aller passer l'examen d'admission à l'École des Beaux-Arts. Avec ta nouvelle femme? Oui. Ah, c'est donc bien cool, ça! Puis, ça a dû être un bel ride de bateau, hein? Ah, tu parles, toi, mon Dieu! On a été privilégiés, d'autant plus que je sais pas par quel drôle de mégarde, mais on prend l'avion pour Montréal, New York, on couche à New York, le lendemain, on monte sur le bateau, et puis immédiatement, on a une invitation du capitaine pour aller au cocktail de départ. Hein? Oui. Puis, on arrive à la réception, le capitaine nous reçoit, puis s'excuse, parce que la cabine qu'on avait réservée, il n'y avait pas pu la donner. Nous, on était déjà installés dans une cabine, puis on était très heureux. Puis on s'en fout probablement. Pour compenser, je vais vous donner une passe pour pouvoir vous promener partout dans le bateau. Parce qu'il y avait deux classes. Il y avait la classe touriste, puis la classe... Easy. Hein? Aisé. Oui, ouais. La classe, supérieure. Mais on peut rentrer partout, puis aller dans le... Fait que là, vous allez faire la première classe, qu'il y avait. La première classe. Ouais, ben voilà. La première classe, mais il y avait des concerts, il y avait mille choses que tu pouvais faire. Ah, c'était un gros bateau, là. Ah, mais c'était un gros bateau. C'était, là... C'était la French Line, qu'il appelait à l'époque. Oui, c'était un bateau, il avait 500 passagers. C'est donc bien cool. À peu près 300 membres d'équipage. En plus, tout. Oui, bien traité, évidemment. Puis là, t'as parlé au capitaine d'un bateau de 300 personnes d'équipage. C'est capoté, ça? Ben, le capitaine, c'était un homme qui était très, comment je peux dire, là, très porté vers les relations extérieures, tu comprends? Lui, ouais. C'est un homme, il aimait ça être dans les bulles des autres. Ouais, c'est lui qui était le capitaine. Comment ça s'est passé, l'examen? Là-bas? À Paris? Ah, mon Dieu. Les Français sont formés pour passer ce genre d'examen, mais nous, on n'était pas formés du tout. Il y avait 75 places disponibles, puis il y avait 675 candidats. Oh boy! Fait que je suis arrivé le vrai dernier. Oh, puis il y avait deux, trois Québécois qui étaient pas formés pour ça, justement. Non, il y avait pas de Québécois là-dedans, c'était des Français ou des Européens. C'est ça, je veux dire, il y avait toi, ta femme, puis... Fait qu'au lieu de revenir tout de suite, on a décidé de rester une couple de mois plus en France. Avec ta nouvelle femme. On a fait le tour un peu, on est allé en Italie, puis... Pas pire, ça. Mais je le pousse, ça. Ben oui. Ben à l'époque, ça devait se faire mieux aussi, peut-être. Ah, ouais, c'est ça. T'as fait le tour de la France sur le pouce avec pas ta nouvelle femme. Mais... T'as rendu jusqu'à la Côte d'Azur, jusqu'en Italie. OK, t'es pas resté juste en France, là. Non. T'es allé en Europe, ça a pris sacré Rodrigue. Ça, je l'ai fait par la suite, une autre fois. Bon, peu, oui. Oui. C'est même de plus en plus facile de se rendre jusque là-bas. Mettons qu'on revient au... Là, dans le fond, t'as fini le voyage. Non, écoute, on revient de le voyage. Ouais. Et puis, je me réinscris à l'école d'architecture de Montréal pour terminer mon cours. Il me force à reprendre ma première année. Parce que je suis parti à la fin de l'année. Oh boy! Mais je fais un arrangement, je dis, OK, je vais essayer de faire les deux, un et deux ensemble, en même temps. Puis ils m'ont autorisé à le faire. Puis j'ai réussi. Puis... Là, tu t'es fort. Là, t'as focusé. J'ai fini mon cours. OK. Là, t'as dit, je fais ça, là. Ben oui, exactement. Ouais. Puis ta femme m'a aidé là-dedans. Elle est pas retournée aux études, genre, elle s'occupait du comptoir ou... Oui, genre, je s'occupais de la maison. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, il commence à avoir des enfants qui arrivent, là. Oh, moi, j'ai commencé à pratiquer l'architecture à Rimouski. OK. T'as eu ton diplôme à Montréal, puis t'es allé à Rimouski. Mais ça, c'est avant d'aller là, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton implication en politique, par contre. Ah, oh, ben, il n'y a pas encore de politique, là. Ah, pas encore? Alors, la politique, elle arrive à Rimouski. Oh! OK. On peut aller. Je veux dire, il y avait quand même une conscience politique qui existait bien avant ça. Bon, par exemple, celui qui a mené à Jean Lesage, Paul Émile Lapalme. OK. Était notre héros à l'époque. C'était dans le sens que c'est lui qui a amené à l'ouverture et qui a été vraiment. Un des artisans de la révolution tranquille qu'on connaît tenace, moins. Il était tenace malgré le fait qu'il restait vraiment toujours correct. Tu sais, un peu comme Jean Lesage aussi. C'est une bonne attitude. Alors, il a toujours été que. Je me souviens, par exemple, d'une anecdote, c'était une blague en même temps. Une année d'élection. Il y avait justement Paul Émile Lapalme qui se présentait contre Et puis j'avais à peu près une vingtaine d'ouvriers sur un chantier à Percé même, sur l'hôtel que mon père était en train de construction d'un deuxième hôtel sur un autre pic d'autre bout du village, à la côte surprise. J'étais sur un chantier, puis le jour de l'élection, je dis au gars du chantier, je dis, je vous donne congé pour aller voter si vous votez libéral. Oups! Ben, il pouvait dire oui, puis voter pour qui il voulait non plus. Ouais. T'allais pas. Combien est-ce que vous voulez, là? C'est une suggestion. Ouais, ben voilà. Alors, il faut reconnaître plus ça. Puis ça, je pense plus que c'est quelque chose que tu dirais de nos jours non plus. Hein. Non! Ben, les curés l'ont dit longtemps en disant n'oubliez pas que le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Le numéro, c'était les rouges. Ben oui, c'est sûr. Il voulait qu'on vote Duplessis. Duplessis, il était bleu. Yeah, c'est ça. C'était pas les... très conservateur, hein, on va dire ça comme ça pour Duplessis. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose en particulier de cette époque politique-là du Québec aussi? Là? T'es né sous Duplessis. Puis il était là jusqu'à ton premier enfant, là. Oui. Est-ce qu'à votre âge? À Rimouski, j'avais trois enfants. Hein? Fait que ta première famille, tu l'as eu à Rimouski, ça? Un peu. Non, parce que, écoute, Dominique est né en 54. J'étais en deuxième année d'architecture. Quand j'ai terminé architecture en 58, j'avais déjà trois enfants. Yeah, yeah. C'est capoté, ça. Dominique, c'est un gars ou une fille? C'est un gars, oui. OK, c'est bon. Un homme, deux filles. OK. Dominique, Nathalie, Christine. Christine, comment vous êtes arrangé, toi puis Marie-Paul, pour les noms? Bon. C'est une discussion que tu te rappelles bien gros. Attends un peu. Dominique. Ah, on était... on avait un bon ami qui était... Dominicain. Un ami de famille, puis il était vraiment laïque dans un sens. Donc, j'étais pas un religieux. Tu as juste à donner une bonne. Un religieux fanatique. Bon, oui, c'est ça. Mais vous l'avez décidé ensemble. Toujours est-il que c'est un peu à cause de lui, Dominique. C'est appelé Dominique. C'est lui qui l'a baptisé aussi. Parce qu'à l'époque, on les faisait baptiser. Non, ça existe pas encore. Pareil. Ça existe. C'est pas le pire de toutes les patentes qu'on non, fait non, faire. Non, ça veut rien dire, sinon inscrit. C'est ça. Puis souvent, ça fait que les matantes chiolent pas. Ton enfant, il est correct. Là, on peut passer à d'autres choses. C'était avant la Révolution tranquille, ça, 1954. T'étais... Il y en a qui appellent ça la grande noirceur au Québec. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ah, oh, c'était pas si noir que ça. Ouais, » c'est vrai qu'il y avait quand même des gens qui... Il y avait quand même des gens intelligents quand même. Hein? Ben oui. Ça ne veut pas dire que... Parce que tout le monde était du classiste non plus. Ah oui. Et il n'y avait pas des scores de 90%. Hein? J'aime mieux 70%. Voilà, ces élections, c'est tout. C'est, oui, voilà. Et puis, ben là, t'es à Rimouski. Oui. Là, t'es marié à Marie-Paul, t'as trois enfants... Ils sont dans la petite école, j'habite en banlieue de Rimouski, à Sacré-Cœur. Là, t'as un bureau d'architecte. Ah, attends un petit peu. Non, pas tout de suite. Le premier contrat que j'ai eu, c'est assez spécial. C'est à Percé. Bon, d'abord, j'avais déjà fait des plans pour un hôtel, la Côte-Surprise, en 56, alors j'étais en quatrième année. Parce que c'est du monde que tu connaissais, veux, veux pas. Non, c'était pour mon frère. C'est ça, bon. Pas à peu près que tu connaissais. Ah, c'est pas pire, ça. Fait que là, tu as proposé les plans. Non. Oh, j'ai proposé les plans pour. Non. Quand j'ai terminé mon cours, je suis revenu à Percé pour l'été. Parce qu'on travaillait toujours pour mon frère à l'hôtel, ma femme aussi. Une petite maison percée même. Ça devait être. Demandé mon frère, il dit j'ai un client qui veut te rencontrer. Ah oui. Ben, je me rends au restaurant où il était, à l'hôtel où j'avais fait les plans, qui étaient construits. Puis, le gars en question, il se présente, c'est le brillant de Rimouski, Aubert Brillant. Il est président de Québec Air, compagnie d'aviation, avant qu'elle soit vendue. OK. Aujourd'hui, je me dis, j'aime beaucoup cette architecture. J'ai besoin d'un architecte pour construire mon aérogare à Rimouski. Pour construire, hein? Un aérogare. Oh, OK. Fait que ton deuxième contrat, ça a été un aérogare. Ben, mon deuxième contrat, le premier, c'était pas un contrat parce que j'ai jamais réclamé de mon père pour ça. Je comprends. Je t'envoyais pour mon père. Je comprends. Lui, il a payé mes études tout ce temps-là. C'est fair. C'est un échange qu'on faisait. C'est ça, c'est fair. Fait que ton premier contrat, ça a été un aérogare à Rimouski. Oui. OK. Pour Aubert Brillant, qui avait aussi une compagnie de construction. Donc, j'étais son architecte à la compagnie de construction. Mais je n'avais pas encore mon brevet d'architecte, parce que pour être architecte, il faut que tu fasses une année de cléricature, c'est-à-dire en quelque sorte un stage chez un architecte. Ouais, ouais, ouais. Là, tu travailles pendant un an, pas payé. Genre. Non, non, payé comme ça aussi, mais en fait, sous la surveillance d'un architecte, ben, ouais, ouais, je vais le bosser, c'est fair, c'est fair. Bon, moi, ouais, on peut faire votre caricature avec Aubert Brion, c'est pas un architecte, donc, comment est-ce qu'on fait? Oh, c'est pas grave, je vais organiser ça, j'ai un bon ami architecte à Québec, il va signer les plans, là, ah, fait, il t'a envoyé les plans, puis lui, il checkait, il disait, c'est correct. Mais, en fait, quand j'ai ouvert un bureau à la compagnie de construction, puis faire les plans de la rue, là. Et puis, un ami de Québec, architecte, venait une fois par mois, peut-être, puis venait regarder ça. Ça, bon, tout allait bien, il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Je savais comment ça fonctionnait. Oui, ben... Bon, je peux ouvrir mon bureau chez architecte maintenant au bout d'un an, mais oh, tout à coup, j'ai l'association des architectes me fait part qu'il y a une objection de la part d'un architecte de Rimouski, comme quoi j'ai pas fait une déclaration légalement. Ok, ils t'ont dit, c'est Gilles qui s'est plaint, genre. C'est à peu près ça, là. Oh oui. Lui, c'était une vieille architecte de Rimouski, là, qui faisait à peu près tout ce qui se faisait à Rimouski. C'est ça, ben oui. Là, que, tout à coup, il était, contre il était un peu jaloux de l'affaire. Bon. Merde. La Logan se construit de toute façon. Mais j'ai un autre contrat à l'hôpital. C'est là que ça. Faut faire un aile d'hôpital. Un gros contrat de. À l'époque, c'était un gros contrat $1 million. Ça, ben si, hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dirais peut-être que ça vaut 100 millions, certainement. Ouais, un million ajusté, ça doit être pas mal. Là. On est en quoi, 1958? 9? Non. 1960? Oui, à peu près. Ouais. 1960. Parce que tu viens comme de finir ton étude, là, on déménage la famille dans le Nord. Ou dans l'Est, plutôt. Bon, toujours été, j'ai fait des plans d'hôpital, malgré tout. Parce que j'ai réussi à m'associer à un ami architecte, puis on a fait ensemble, finalement. Moi, là, on a partagé les honoraires. Je comprends. Toto, t'as trouvé le contrat, puis lui, il amenait l'officiel. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à cette année-là, justement, que je lis dans le devoir que André Lallemagne, Marcel Chaput, viennent de fonder un organisme qui s'appelle le Rassemblement de l'Indépendance nationale. Le RIN. Le RIN. Mais c'est là que tout a commencé, dans le sens que je lui ai répondu tout de suite pour lui dire, ben, on est prêt à fonder une section ici à Rimouski. Fait que tu t'es occupé du RIN à Rimouski. Ça a-tu bien monté? Y avait-tu une bonne réponse là-bas? Pas du tout, c'était nul. Ah ouais? Hein? Mais j'ai réussi tant bien que mal à trouver 10 personnes pour créer un comité, une première section officielle. Parce que pourtant, René Lévesque vient de cette région-là aussi. Là, c'est... René Lévesque vient de la même région que moi, en Baie-des-Chaleurs. C'est ça. New Carlisle. Mais Rimouski, c'est pas loin. Ah oh, ouais, hey, quand même loin, c'est 300, 400. Wow, OK. Ouais. Les gens de la Baie-des-Chaleurs et de Rimouski ne s'associent pas nécessairement, genre. Pas de relation particulière. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, c'est le même coin, genre. C'est ça. Ah oui, c'est deux régions différentes. Là. Bon, voilà. Je me dirais plus ça. Bas du fleuve, Baie-des-Chaleurs, Gaspésie. OK. Où j'en étais? Mais là, t'es rendu le chef du RIN. Section Rimouski. Section Rimouski. OK. Ça, on est au printemps, peut-être, 61. OK. Et puis, à l'automne 61, il y a un premier congrès. Premier congrès du RIN à Montréal. Puis, je me rends à Montréal pour le congrès, puis je suis élu vice-président. Oh, c'est un prestige, ça a bien été. Il voulait donner du poids aux régions, hein, aider. Dans aider un sens, mais je représentais la Gaspésie. Ben oui. Justement, à ce premier congrès-là, j'avais battu Pierre Bourgault comme candidat. C'est bon, dude. En vice-président. OK. Puis c'était chapu le président. C'est comme ça, puis une autre anecdote qui est venue, qui est rentrée en ligne de compte, qui a fait que. Qui m'a amené à déménager à Montréal rapidement, étant donné que j'avais été nommé vice-président. Que tout serait finalement à Montréal. Puis aussi, t'avais un diplôme d'architecte, là, c'était rendu réglé ça, fait que à ce temps, tu pouvais être architecte n'importe où au Québec. Là. Oui, mais un jour, j'ai reçu un téléphone de Jules Briand. Jules Briand, c'était le monarque de Rimouski. La famille, je parlais d'Hubert tantôt, qui est entrepreneur et président de Québec Air. Lui, il possédait CJBR, radio, télévision. Il possédait la compagnie du pouvoir, compagnie d'électricité, toute la région. Il possédait Québec Téléphone. Non, monarque. OK, oui, oui. Il possédait le journal. Le journal, c'est ça qui manquait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, peut-être les routes. Non, il faudrait que... Bon, il y avait un chemin de fer aussi. Bon, toi, là. Je vais m'attendre. Sacrément. Ah oui, le monarque, OK. Bon, il y avait... Tu parlais du téléphone, oui? Oui, ben, oui. Téléphone, électricité, communication. Journal, transport, sac. Et c'était un bon ami de l'architecte en question dont je te parlais. Oh! Fait que c'est devenu un ennemi par la bande, là. Il m'appelle, je vais dire que j'étais en train de corrompre ses enfants. En sens politique du terme. Étant donné que j'étais... Dorénavant, le représentant du Rassemblement pour l'indépendance nationale, j'étais un ennemi juré, il me dit inutile d'insister, vous n'aurez plus de contrat dans la région. Il t'a téléphoné, il t'a dit. Non, je l'ai rencontré. Ah, c'est pas correct. Quelqu'un, toi, t'es jeune papa en plus. Oh, vraiment. J'étais un ami de ses enfants. Madeleine. Ah ouais, mais t'es en train de les pervertir. T'amenais des idées. Oh, j'avais un atelier de peinture dans le sous-sol de la maison, puis on faisait de la peinture à l'huile. Non, tu corruptionnais. Wow. Mais toujours été là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, quelle opportunité qu'il me présente. Je te mélange. Wow. Là, t'avais un bon réseau de contact aussi, là. C'était pas détenu, là. Non, j'ai appelé mon ami Jean Ouellette, puis. Tout de suite, il y a déjà une place pour toi. Cabinet d'avocat, d'architecte, oui, désolé. C'est là que j'ai rencontré Pierre-Éliott Trudeau, d'ailleurs. Oh! Le pet premier! Ah, ouais, hein? The original Trudeau, toi! Puis c'était avant qu'il soit... lui, c'est monté assez vite, genre, sa carrière politique, là, il commençait à être... Ouais. Il a été ministre des Finances, lui. Non. En tout cas, tu baignais, là. La famille a changé de place assez rapidement deux fois aussi. Là. Marie-Paul, elle a été patiente. On a déménagé trois, quatre fois. Là. C'est capoté, ça. On était des bons campeurs aussi, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de... La nature, t'en as-tu parlé avec tes trois enfants de cette époque-là? Dominique, se rappelles-tu un petit peu du tumulte dans la famille ou des affaires comme ça? Si on en parle, si vous n'avez déjà parlé, ou ça a bien été. Mais peut-être aussi qu'il était bien fier de toi. Là, veux pas. Il y a un nouveau parti politique. Toi, tu mets tes tripes à la table. Le monde aime bien ça. Puis, suite vice-président du RIN, t'as quoi à cette époque-là? T'as 27, 28 ans, à peu près? Ouais, c'est capoté, ça. Bravo, man. Fait que là, mettons, on est rendu à Montréal. Tu travailles maintenant pour un nouveau cabinet d'architecte. T'es aussi très impliqué dans le RIN. Oui, en fait, c'est ça qui était difficile, dans un sens. c'est de mener deux vies de front, en fait. Parce que... Ben, trois, t'es père de famille aussi, là. Exactement. Alors, c'était, mais en même temps, c'était une période tellement... pleine d'énergie, là. Pas de questions à se poser, à savoir comment tu t'impliques. T'impliques au maximum. En même temps, t'essayes de faire des compromis aussi. C'est-à-dire dans le sens de côté professionnel. Enfin, c'est pour ça que ça crée du stress pour moi. Là. Côté professionnel, des compromis, ça a l'air... Mais je veux dire, travaille moins fort dans le professionnel, puis t'en mets plus dans le politique. Ouais. Des fois, t'écrivais des lettres pour ton RN sur les heures. Non, pas nécessairement, mais je prenais du temps de bureau. C'est ça, je veux dire, ouais. Ben, oui, anyway, c'est un beau projet aussi, le RN. Là, c'est rapidement devenu le FLQ, puis le Parti québécois par la suite. Là. Ben, en tant que vice-président national, c'est devenu aussi. Président régional de la région de Montréal. Ça, pendant l'époque des manifestations de toutes sortes. On a organisé des manifestations. Elle était la première. Je pense que c'était la place des arts. OK. Là, t'organisais des manifestations pour le RN. En tant que président régional, j'avais affaire à toute une série de présidents de sections autour de l'île, puis on avait une organisation, on était capable de mettre des manifestations sur pied, faire des pancartes, etc. Et souvent, avec comme adversaire la police. Ouais, ça mais à la place des gens, la Queen Elizabeth, ouais, le temps des bouffons, là, Non, le Queen Elizabeth, c'est l'hôtel du Canadien National. OK. Et puis on manifestait, mais ça n'a pas de bon sens. Il n'y avait pas de traduction à l'époque. C'est juste en anglais. Ça n'a pas de bon sens. Un hôtel d'une compagnie nationale qui va s'afficher seulement dans une langue, surtout à l'époque, c'était très sensible à la langue. C'était un pied de nez volontaire aussi à l'identité québécoise, c'est sûr. Là, tu peux pas être chez quelqu'un et pas parler sa langue. J'ai rien contre les anglophones québécois, sinon que... C'est pas vrai que c'est une minorité, les anglophones québécois. Tu peux grandir en apprenant une autre langue. Tiens, on va prendre une petite pause. Surtout si t'es une minorité. Le côté anglophone, notre côté du pont, hein. Ouais. Une belle partie de résidentielle, là. Enfin. Mais Alma, comment ça, toi, aujourd'hui, ça veut plus rien dire, je pense pas. Quoi ça? J'ai dit anglophone ou francophone, ça veut plus dire grand chose aujourd'hui. Dans le sens que les gens commencent à se rendre compte que bon, c'est normal, si tu veux te comprendre. Puis, j'ai des mots pour le dire. On baigne dedans, c'est presque de la mauvaise foi de ne pas prendre le temps d'apprendre le langage d'à côté. Moi je me rappelle. Je me rappelle que les jeux vidéo puis les jeux de rôle, les affaires avec des dragons puis des épées, là, quand j'avais 10 à 12 ans, c'est beaucoup grâce à ça que je suis parfaitement bilingue aujourd'hui. Puis je suis capable d'écouter des films doublés en français, des films version originale anglophone. Puis moi je pense que c'est mieux d'être capable que de pas être capable. Genre. Ben c'est sûr que tu te prives d'informations si t'es pas capable. C'est ça. Puis les Québécois sont plus cochons. C'est un peu comme moi, je me prive d'informations en n'étant pas capable, ou en ne voulant pas, devenir un adepte du téléphone intelligent. Ah, OK. Je vais jouer où tu veux aller, moi. Ouais. C'est sûr que ça me rend moins habile dans beaucoup de domaines, mais ça, c'est pas important, là. Ça, c'est plus un tube qu'un filtre, par contre. Oui, mais c'est aussi, comment je peux dire, donc, un désir de beaucoup d'informations. Très, très avide d'informations. Le monde est avide d'informations. Ah oui. Peut-être trop. Oh, je... On apprend oui, tous les jours des choses qui vont de plus en plus vite pour avoir de plus en plus d'informations. Ouais. Bon, tant pis. En fait, c'est que plus qu'il y en a, puis moins on est capable de donner du sens à celles qui ont vraiment une importance conséquente. Là. Moi, l'exemple que je me rappelle tout le temps, c'est que tout le monde connaît les trios du Canadien, mais personne ne sait c'est qui le ministre de l'Environnement au Québec, mettons. Et personne ne connaît la Haute-Série. C'est ça. Oui, tu peux aller jusque-là. Ouais. Même personne ne connaît le nom des arbres. À ce moment-là. Ah, ça, je suis très ignorant là-dessus. Les arbres, les plantes. Ben oui, tu bâtis des maisons, fait que les arbres et les plantes, c'est tes ennemis. Oui. Enfin, je les respecte, mais les nommer, souvent, je m'en prie. Je sais que c'est du bois fort et du bois beau, mais... C'est ça. Mais ça se perd. C'est... Ah oui, je pense pas qu'il y a un péché autant qu'un manque de perspective. Genre. Ah, ouais, perspective. Oh là, ça ressemble à l'attitude, ça. Ouais, ça vient de sortir un autre gros mot. Hein. Avec la perspective, tu peux avoir de la nuance. C'est le mot le plus. Vraiment un très beau mot. Perspective. Ça s'ouvre, hein? Ça s'ouvre. Ah oui. Ah oui, vraiment. C'est l'ouverture, hein? En fait, pour voir beaucoup de choses. Hein. Photographier aussi, l'ouverture, hein, c'est important. L'ouverture? Oui. C'est une drôlerie. Mais on retourne au Ariane un petit peu. Là, tu viens d'être nommé, tu organises des manifestations. Là, tu faisais ça avec un téléphone puis une liste de numéros de téléphone, genre là. Ouais. Il n'y avait pas de Twitter. Avec beaucoup de collaborateurs. OK. Vous aviez une place pour vous réunir aussi? Non, on avait un bureau, oui. OK. Un bureau officiel avec adresse et tout. Hein. Bon. C'était dans quel coin à Montréal, hein? Ça? Le bureau, il était dans quel coin à Montréal? Rue Saint-Hubert, à un moment donné. OK. On avait eu, au tout début, justement, le jour où on a rencontré Pierre-Éliott Trudeau. On l'avait invité, puis il était venu. Il n'était pas ministre encore. Ouais. Sur la rue Mécaille, au plein cœur de Montréal, premier bureau. Il y avait une réception, puis. Oui, c'est ça. Trudeau était là. Le prétentieux. Le prétentieux? C'est rare que je t'entends parler en mal de qui que ce soit. Puis même prétentieux, c'est un petit peu doux comme. Oui, hein? Il flashait, genre. C'était ben, Trudeau puis rien d'autre, là. C'était notre dilettante. OK. Même aller un peu plus loin de. Un petit fraîchier. Un douchebag. Celui qui se promène avec une Jaguar décapotable, avec le foulard, un peu de l'appel, comment? Ah, c'est douchebag. Fraîchier aussi, ça marche, ça. Tu vois, ça me fait plaisir de dire à ta place. Là, il est arrivé vous voir au RIN, genre, habillé comme ça. Non, non, non. Non, non, je te donne un exemple. Effectivement, il y a... Je comprends. Mais je me semble qu'il fait tellement bien dans Jaguar décapotable avec c'était le foulard. Un peu de jet set de l'époque. C'est... Hey, le jet set politique. Il n'a pas changé d'ailleurs. Hein? Il a été un premier ministre jet set. Bon, oui, vraiment. Il n'était pas marié. Fait que pendant un temps, les tabloïdes roulaient les photos des femmes qu'il voyait. Là, il n'y avait pas de première dame, c'est capoté, ça. Ça arrive plus très souvent. Puis là, mettons, aérienne manifestation. Moi, je me rappelle celle du général de Gaulle qui était venu. Oui. Ça, tu en avais parlé dans un 70% quand tu étais venu nous donner ta recette de lasagne. Ça fait une petite dizaine d'années, là, mais... Gars, je vais la raconter. Il y avait beaucoup moins de monde qu'on pense quand que le général de Gaulle est venu à Montréal en 1963. Plus tard que ça. Oh, l'Expo. 67. L'Expo, c'est 67. Ouais. Fait qu'en 1976, c'est capoté, hein? 1967, le général de Gaulle est à Montréal. Il y a beaucoup moins de monde que ce qu'on se souvient dans la mémoire politique, ou populaire plutôt, ce que je voulais dire. Et là, vous êtes des membres du RIN avec des pancartes dans les airs qui est écrit « Vive le Québec libre ». Et là, lui, il est au balcon, il regarde, il y a 50, 80, 200 personnes, mais il y a un très bon pourcentage. Et probablement les seules personnes qui ont des pancartes, c'est des membres du RIN qui brandissent « Vive le Québec libre ». Ouais. Pour faire plaisir à la foule amassée, De Gaulle décide d'y aller d'un « Vive le Québec libre ». Oui. Fait que dans le fond, il a lu vos pancartes. Il a peut-être lu ta main, ton écriture à toi. Ça, c'est dans la mythologie peut-être. Oui, la science-fiction, mais tout le long de son voyage dans la journée, de Gaulle avait, en quelque sorte, tout dit, excepté ça. Dans le sens qu'il restait ça à dire. Et les autorités politiques, dont le maire Drapeau en particulier, qui suivait son arrivée triomphale dans la métropole, devenaient de plus en plus inquiets. Ah ouais, rien hein? Qu'il aille jusqu'au bout. Et il lui avait interdit de faire un discours sur le balcon de l'hôtel de ville. Et c'est De Gaulle qui a insisté pour aller parler à la foule. Ah oui, Christ, tout le monde est là. Hey, c'est capoté, ça. D'après ce qu'on... Mais quand voilà, tu dis il avait à peu près tout fait, c'est qu'il y avait vraiment une volonté nationaliste. Pas une volonté. Il était vraiment ravi de voir jusqu'à quel point le peuple... lui rendait hommage, mais en même temps, le rendait hommage à son souci de donner la liberté aux Québécois. Il s'est pas senti instrumentalisé, il était plus fier d'être une figure de proue, là. Ouais. Ah, De Gaulle, je pense qu'il a juste dit la vérité, ce qu'il pensait. Ouais, OK. Puis vive le Québec libre, c'est certain. Le fait qu'il ait vu sur les pancartes, ça l'a rassuré. Mais je ne crois pas que je l'ai convaincu. Ah, OK, c'est bon. Puis là, ben, le RIN, ça a quand même vécu de sa belle mort. On est quoi, là? C'est pas longtemps après ça. Pas longtemps avant la dissolution. OK. Quelle année on est? Cela dit, je veux te remercier, toi, puis... Toute l'équipe de l'époque, là, vous avez planté des graines qui vont grandir longtemps. Là. Autant l'Écosse dernièrement a encore voté pour se séparer après 1000 ans d'occupation, autant c'est des graines. En tout cas, merci Rodrigue, ton temps n'a pas été perdu dans ce temps-là. Puis dire aujourd'hui, c'était, je dirais, avec plaisir, parce que c'était. Une époque, le RIN, c'était un rassemblement et c'était un organisme de diffusion d'informations politiques. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre prétention que d'informer les Québécois c'était quoi notre position dans la Confédération. L'état de la Confédération, ouais. Juste passer l'information, pas vernis. À un moment donné, les circonstances ont fait que on s'est dit... Si on était un parti, on irait rejoindre toute la population. C'est toi qui as dit ça? Non, enfin, c'est ça qu'on a... On s'est dit. C'est ça qu'on a conclu, évidemment. Et pourquoi pas de se transformer en parti politique de telle sorte qu'on va aller chercher... On va pouvoir étendre notre message, étant donné qu'on avait des droits de télévision, etc. Ben oui. Bon, c'est comme ça que le parti est déformé. Et comment il a été dissous? Là, attends un petit peu, le RIN est devenu un parti politique officiel. En 66. Quand même longtemps, 4, 5, 6 ans, après avoir été un diffuseur d'informations, oui, une espèce d'éclaireur de lanterne. Là. Exactement. Okay. Pendant ce temps-là, pendant cette période-là, ce qu'on a fait, c'est faire le tour du Québec à faire des assemblées de cuisine. Et quelquefois des assemblées plus considérables. Planter des graines, dude. C'est hot, ça. C'est un petit peu ce que Gabriel Nadeau est en train de faire. Du bois, là, ouais. Hein? On s'est demandé. Aujourd'hui, je me dis, hey, dis donc, c'est l'air, Yann. Faut qu'on se parle, là. On aurait pas dû lui dire ça. Ben non. On aurait dû se transformer en. Ben c'est ça que vous avez fait. Vous avez passé le flambeau, ben, à un moment donné. Ce qui est arrivé à l'époque, c'était presque fatal dans un sens. Parce que c'est pas une décision qui a été prise par une personne. Ça a été prise par l'exécutif, d'abord, dont je faisais partie avec beaucoup d'Allemagne et compagnie. Et ensuite, soumis à un congrès. Et le congrès a admis que le fait que le PQ était en train de ronger tous les membres du RIN, aussi bien se joindre au PQ. Ben oui, c'est le message et qui est important. C'est ce qu'on a décidé, c'est-à-dire de soudoyer le PQ. Et la chose la plus importante, je pense, c'est le programme du RIN qu'on avait élaboré ensemble dans les deux, trois premières années précédentes. Un programme politique dont j'étais le secrétaire du comité, ça, c'était la chose, je pense, qui a le plus influencé, parce que ce programme-là a servi de base aux orientations politiques du PQ par la suite, et plusieurs des anciens membres du RIN sont devenus ministres aussi. Ah ouais, hein? Ben Bourgault. Bourgault, il a été ministre. Mais Landry, beaucoup d'autres. Le FLQ, c'est quoi ça? C'est un glitch? Vous n'étiez pas lié à ça? C'est... Oui, je dois dire que moi j'ai été lié, j'étais très proche. OK. Toi, tu voulais des actions de développement? Je t'écoute. Là, on est en 1967-68 à peu près. Ça, la crise d'octobre, c'est quoi? C'est 69? 70. Oui, dans ces années-là, oui. Moi, je connaissais tous les membres du FLQ parce que c'était des anciens membres du RIN. Comme j'étais président de la région de Montréal, j'étais au courant de tout. J'avais des contacts avec tout le monde. Et on avait créé un réseau. C'était à l'époque, justement, où le Québec était bilingue de bord en bord. Même les anglophones parlaient français, genre. Ah oui, c'est-à-dire qu'on avait un vocabulaire à ce moment-là. On avait la moitié des mots qui étaient anglais, pratiquement, quand tu parlais d'un tourbille, par exemple. OK. Avant qu'on décide de franciser notre langue. Ben oui, ben l'Office de la langue française. Et on avait créé des réseaux, nous, dans les régions de peintureurs d'affiches. Il y a des gens qui allaient badigeonner tout ce qui était anglais sur les affiches publiques. Vous avez créé ça, la faction FLQ du RIN, genre. Est-ce qu'on peut appeler ça comme non, ça? Non, ça ne s'appelle pas la FLQ encore, ça c'est après. Ça a duré. Ça s'appelait un réseau de résistance, tout simplement. Okay. Dans le sens que on veut franciser le Québec, on va commencer par enlever l'anglais sur l'affiche publique. Au moins, quand tu arrives face à un pont, c'est pour le cercle, c'est marqué Pont Bridge. Fait qu'on a enlevé le bridge. Pont Bridge. Ouais. Arrestop, là, ça. Et à Montréal, la même chose. Et aussi des peinturages de viaducs qu'avait vu le Québec libre partout. Bon, les premiers membres qui ont fait partie de ce réseau-là, c'était les plus braves. Et quelquefois, ils se faisaient prendre, puis il y avait des amendes, puis... Bon, ça y est, on fait ça. On est encore dans la désobéissance civile. Oui. C'est ça, réseau on résistance, ça, on l'a fait. Ouais. Ouais. Il y en a... Tout était jeune Rodrigue acrobate. Les quatre principaux sont venus me voir un jour. On est allés dans un restaurant. On a parlé ensemble. Et je leur ai dit, nous, on va aller plus loin. Bon, si vous allez plus loin, vous ne pouvez pas m'impliquer parce que moi, je suis officiellement président de la région de Montréal. Mais, ce que je peux vous dire, c'est soyez prudents. Là, c'est là qu'ils ont pris la clandestinité. Et par soutien à leur cause, dans un sens, C'est moi qui les ai transportés dans le nord de Montréal pour leur premier rendez-vous, pour leur premier stage clandestin. Après ça, j'en voyais un une fois de temps en temps. Puis ils venaient me voir à Montréal. Ouais, ça va. T'étais pas au courant, là. Non. C'était juste de tes amis, ils étaient d'accord avec leur combat, mais. Peut-être. Bon, je ne me rapporte pas non plus d'un autre sujet que celui de l'amitié, si tu veux. Ben oui. Entre moi et toi, là, t'es acrobate, là. T'es motivé et tout, là. T'es allé en peindre des affaires comme ça, là. T'es monté sur un pont à un moment donné, à une place que personne n'osait y aller, puis t'as utilisé ton acrobatisme pour passer un message, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, rien de particulier. J'ai sauté par-dessus une grange. Mais par contre, un bon événement, comment je veux dire, un souvenir intéressant, c'est alors que j'étais à Rimouski et que je faisais les plans de l'hôpital. Là, tu étais vice-président déjà, là, c'est après 1961. Juste à ce moment-là, là, avant que je déménage à Montréal. Bon, ouais, c'est avant de recevoir le téléphone de Jules Briand. Jules, là. Ouais. Ben, ouais, le monarque de Rimouski. Il voyait son. Ok, je te suis. T'es un bon ami de Guissange. Guissange venait passer ses vacances dans le coin. Et puis, on a décidé de faire une razzia dans toute la Gaspésie, c'est-à-dire de Mont-Joli jusqu'à Percé, aller-retour, dans une nuit, de peinturer toutes les affiches routières. Ça a réussi. On avait des équipes qui partaient le dit, peut-être là. Toi, t'as tout monitoré ça au téléphone, genre. Oui, exactement. Hey, ça devait être long. C'était le téléphone à roulette aussi, là. Ah, t'es à Rodrigue, je t'aime. Ah, c'est hot. Fait que là, vous avez. Ah, c'est hot. C'est le bureau d'architecte, tout le monde. Oh, oui. Oh, boy, bravo, là. Ah, c'est cool. Un autre moment donné, au bureau, on était tous indépendantistes, tu comprends? On était 3-4. Ça existait même pas encore, ça. Hein? L'indépendantisme, ça existait pas. Ah non, on était séparatistes. Ah, déjà l'idée que le Québec pouvait quitter le Canada. Ah oui, oui, on était des séparatistes, là. C'était le moteur. De vulgaires séparatistes. De vulgaires, oui, oui. Je ne sais pas, toujours est-il que le propriétaire du bâtiment où on avait nos bureaux, il y avait à peu près une demi-douzaine, sinon plus, de drapeaux canadiens. Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, ce jour-là. Il est arrivé quelque chose. Tout à coup, mon matin, je retrouve tous les drapeaux noirs. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, hein, Rodrigue. L'arbre de Chine, il a passé. Ah oui, c'est-tu que c'est bon? Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, ouais, t'as peut-être couru après le trouble aussi, là, tu voulais brasser les colonnes du temple, là. Si tu en veux une autre. Ça vient d'où, ça, d'ailleurs, ça? Hein? Oui, j'en veux un autre. Go. La colonne Wolfe à Québec, t'étais déjà demandé qui avait été le cerveau de l'affaire? Je sais pas de quoi tu parles. La colonne Wolfe, t'as jamais entendu parler qu'elle a déjà été renversée? Ça me dit rien. Non? Par le plein d'Abraham. OK. Bon, il y a une colonne Wolfe. Un monument avec un statut de Wolfe. Pour Wolfe? Voyons donc, c'est pourquoi qu'on dit. Mais nous, on trouvait que c'était une insulte, ça fait qu'on a envoyé un commando, ça peut fuir de l'affaire. Ah, c'est comme dans le Fight Club. Ah, c'est galice, Rodrigue! Avec ma voiture. Moi, je suis pas allé, c'est ma soeur. Non, ben, t'as envoyé des sous-fifres, là, t'es vice-président. C'est ma soeur qui a conduit la voiture. Elle est allée avec un autre ami qui faisait partie du RN. J'entendais à Québec, il a attaché une corde à la statue, il a attaché l'autre corde à la voiture, flac, ils ont tiré, l'affaire est tombée, sans sac et le corps. Personne n'a jamais su qui a fait ça. Ah, je dis que c'est bon, man. Ah, oui. C'est le genre d'information que je n'utiliserai pas pour les forces obscures, mon cher. Ah, c'est de toute beauté. J'aimerais ça avoir un prochain. Il va se passer quelque chose, tu sais. Non, ça... pas faire comprendre. Puis il y en a eu un, là. Richard Bain, finalement, c'est pas un terroriste qui voulait assassiner une foule. C'est-tu que c'est tout croche, ça, hein? C'est tellement évident que je me demande pourquoi ils ont pris tant de temps. C'est tellement évident. Mais là, il a avoué lui-même, hein, au tout début, c'est pour ça qu'elle est là. Mais là, c'est pas un acte terroriste, là, c'est un fou, finalement. Non, non. Ils ont décidé que c'est parce qu'il y avait... C'est un crime politique. Non, ils ont décidé ça, finalement. OK, tant mieux. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Il visait... Anyway, je veux pas qu'on aille trop là longtemps. Là, on est... Toi, t'es dans le RIN. T'as des amis qui ont commencé à y aller plus vers le FLQ et tout. Il y a une montée aussi du sentiment souverainiste un petit peu partout, avec le PQ qui est en train de prendre de vos membres du RIN. Il y a la montée des jeux vidéo aussi, là, c'est le début de Pong, des ordinateurs, ça c'est pas trop ton domaine. Il y a une époque où tu as commencé à te faire engager comme professeur d'architecture à l'université aussi, là. Ah oui, c'est vrai. Pas oublié ça. Ça, c'est vraiment important, ça. Ben oui, là, on est à peu près dans ces eaux-là, je pense. Non, justement, quand... Oh, une belle situation. En 66, donc, Ariane devient parti politique. Donc, il faut chercher des candidats. Et toute la direction des sections de partout décide évidemment de se lancer, non pas pour être élu, mais au moins pour diffuser la question d'indépendance. Et moi, je suis candidat dans le comté de Saint-Laurent, parce que j'habite Saint-Laurent à cette époque-là. J'habite nous au Bordeaux, en fait. Et la loi électorale pas autorisée, mais obligée les employeurs à donner congé à des gens qui se présentaient comme candidats à une élection. Donc, moi, c'est pas fait de problème avec ça. J'ai demandé congé pour me présenter. Tout allait bien. Quand je suis revenu, en conférence. Fait qu'en 1966, tu t'es présenté aux élections. Oui. Je savais pas ça. Non? Non. Candidat de rien. Ah, c'est une belle expérience quand même, ça. Moi, je suis candidat du rhinocéros. Mais ça s'appelle. Comment? Moi, ça fait deux élections. T'es venu filmer un film avec moi, là? Ça fait deux élections là, que je fais pour le rhinocéros. Mais c'est... En tout cas, c'est des... Merci. Non, mais on avait un journal à l'époque, puis tu sais, on avait des affiches, puis... c'était gros, ça... Quand même, je pense qu'on s'est présenté dans une centaine de comtés, 75. On a pris près de 10% du vote. La première shot? Oui. Ah, je dis près de 10, autour de 10, oui. Ce qui faisait que tu avais une audience intéressante, là. C'était plus 5000 membres que tu avais, c'était 100 000 membres. Enfin, à partir de là, c'est ça, je me retrouve en 66, pas de travail. Ouais. Je réussis à sortir un contrat que j'avais amené au bureau d'où j'étais. Je vis avec ça pendant un bout de temps. OK, parce que t'as perdu ton emploi à la... Au bureau d'architecte, là. Ah ouais, hein? Pas pour des affaires politiques, c'est une... Ah oui, parce que le bureau était très fédéraliste, c'était des amis de Pierre-Éliott Trudeau, justement, c'est donc que je l'ai rencontré à l'inauguration des bureaux. C'était des troncs-colombes à l'époque. J'avais un syndicaliste, dont Jean Marchand, l'autre économiste qui est devenu ministre des Finances, je pense. Hein? Enfin. Très fédéraliste. Ah, très fédéraliste. Alors, ils vont simplement laisser entendre que les deux marchent pas ensemble. Hey boy, qu'est-ce qui se passe de ça, toi? L'influence de deux. Ouais. Moi, je leur ai dit merci parce que j'avais pas envie de rester dans le bureau fédéraliste. Je suis parti avec mon contrat. Entre-temps, ma femme s'est lancée dans la mode. Elle a ouvert une boutique de mode avec l'aide d'un financier. OK. Boutique de mode d'importation, préimportée français, sur la rue Sherbrooke. 1966, c'est les bonnes années pour ça aussi. Donc j'ai fait des plans, ça s'appelle la gaminerie. C'était une boutique de mode d'avant-garde, en quelque sorte. Évidemment, ça m'avait fait fortune. Mais ça m'a quand même permis d'aller... Pendant cette période-là, là, où j'avais pas beaucoup de travail, d'aller faire un tour au salon du prêt-à-porter à Paris pour acheter la collection de mode de la boutique. Ah, OK. Fait que c'est l'époque où tu t'investissais dans les projets de ta femme, là. Ben oui. Hey, t'as dessiné à Baptiste, t'es allé à Paris pour elle. Non seulement je me suis investi pour elle, mais on a véritablement construit la boutique parce que on s'associait à la boutique de la gaminerie à Paris. C'est cool. Et il fallait avoir la même architecture. Donc une architecture, vraiment une sorte de caverne où il n'y avait aucun meuble, sinon tous les meubles étaient soudés après le mur. Genre. Creusés dans le mur, dans un mur de 7 blocs. Ça faisait... Hey, ça a été un plaisir fou de faire ça. Ça me fait penser à, je sais pas si tu te rappelles, Orange Mécanique, le film de Kubrick, là, quand ils boivent du lait au début. Là. Oui. Dans l'espèce de bar que les meubles, c'est soit du monde à quatre pattes que tu peux t'asseoir sur eux autres ou des affaires découpées dans le mur. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est un petit peu la même époque. Quand tu me rappelles, ça, c'était filmé dans une ville nouvelle en Angleterre. Hein? Ouais. Hein? Une ville nouvelle que j'ai visitée par la suite. Arrête donc, toi. Je te connaissais pas comme voyageur non plus, en fait. Je pensais que tu étais plus voyageur du terroir. Grosse étape, ça aussi. Ouais, ouais. Oh, là, oui, ça, c'est marquant. Ouais, j'avoue. Mais où on était? Là, en fait, tu travaillais pour ta femme. Je suis dans la mode. Oui, t'es dans la... Oui, c'est weird. Tu es allé magasiner du linge là-bas. Oui, magasiner du linge là-bas, puis apprécier les mannequins qui essaient le linge avant que tu l'achètes. Vraiment, là, regarde. C'est capoté, ça. Dans le superficiel, au maximum. Mais... un monde intéressant à connaître. Comme? Plus tu connais le monde, tu peux comprendre aussi. C'est un monde fabuleux, là. Puis aussi, Salon du prêt-à-porter pour la mode d'été à Cannes. Veux pas la... Aller acheter les maillots de bain. L'architecture aussi, c'est comme le niveau après la mode, le design de linge, là, parce que la maison contient les gens qui... Tu sais, où la maison contient le linge qui contient les gens, là, genre, c'est veut pas, tout est mieux fonctionnel. Je peux comprendre dans le sens que la curiosité de l'architecte peut aller avec la curiosité du designer de linge, je pense que c'est pas antagoniste. Non. Et puis, on est un peu vaniteux, tout le monde. On aime ça. Il y a des gens qui aiment ça, là. Ah, ouais. Sentir bien dans du bon linge, des choses que j'aime. En jeter, ça l'aide avec les filles. Hein? Est-ce que ta femme t'avait envoyé à Paris tout seul? Non. Toujours été avec elle. Ah, elle était là, elle aussi. C'est cool. Un autre beau voyage, vous êtes retourné en France. Ah oui. Puis à l'époque, tu pouvais trouver des petits restaurants sympathiques. Puis aller voir des choses que tu ne voyais pas ici, par exemple, comme... Le Crazy Horse, c'est l'endroit de faire des bons spectacles de striptease. Fait que toi et ta femme, en 1966, vous êtes allé voir un striptease. Ben oui, dans la boîte la plus prestigieuse du monde. Mais ça coûtait pas une fortune. C'est juste l'attitude, c'est le fun. C'est des choses que Tu sais, le Québec, à l'époque, c'était encore... Duplessier, là. Hein? On était Duplessier, on était... C'est-à-dire, il restait l'esprit, c'est... Ah, le sexe, ça, on monte pas trop ça. Ouais. Ben, c'est un petit peu Pierre Elliott qui nous a aidés là-dessus aussi. Hein? Pierre Elliott Trudeau, il a dit, ce qui se passe dans la chambre à coucher, on veut pas gérer ça. Ben, c'était déjà un début, oui. Mais c'est évident, je peux te dire pourquoi la loi se mêlerait de la chambre à coucher. Ça, oui. Elle va se mêler de la cave aussi. Hein? Ouais. Bien vu. Fait que là, tu reviens du voyage, t'as une passe tête à femme avec les idées de la mode. Oui, puis je reçois un téléphone de mon ami voisin à Nouveau-Bordeaux. OK. Qui était architecte et qui enseignait à l'école d'architecture. Il me dit que son assistant est malade et qu'il a besoin de remplaçant tout de suite. En deuxième année d'architecture. Atelier. Un endroit où tu fais de la pratique, c'est-à-dire que tu fais des projets. C'est que tu montes tes projets. Fait que moi, j'arrivais d'un bureau où j'avais fait beaucoup de projets de construction. Et le dernier que j'avais fait, c'était... enfin, peu importe. J'apportais des projets du bureau, puis je les refaisais avec eux. OK. Et puis, bon, tu peux en avoir dans un atelier, tu peux en avoir, je sais pas moi, 25 étudiants. Et ils vont produire 25 solutions différentes. Là, tu es juge, puis voilà comment ça fonctionne, etc. Donc, toujours est-il qu'à la fin de l'année, je suis nommé chef d'atelier. Ah, ça a bien été. Fait que je suis resté là, de 66 jusqu'à 72. Et là, ça fut le voyage. Le voyage. Là, en 72, t'es plus impliqué politiquement, par contre. Non, je suis membre du PQ, m'occupe, on peut s'occuper de... Tu pas de trois enfants, ça. Référendum, etc. Ah ouais, hein? Ben, t'es revenu, genre, pour le référendum, mais t'étais plus... Non, pas, je sais pas. Ah non, rien n'existait plus. C'est ça. En 72, c'est mort de sa belle mort. J'avais pas envie de... J'avais assez de monde pour s'en occuper. Ouais, OK. Quel âge j'avais? Je sais pas. 72, t'avais 40 ans. Bon, c'est là que j'ai divorcé. Oh! À cause de la mode. À cause de la mode de divorcer. Mais à cause de la mode. Pas juste à cause de la mode, mais disons que ça a été... Dans le fond... Ça a été l'extase qui a fait renverser la goutte. Parce qu'elle, elle avait comme à ça son projet qui marchait. La boutique de mode impliquait des défilés de mode. OK. Ça impliquait donc d'inviter des mannequins. Et... m'occuper des mannequins. Toi, tu t'occupais des mannequins. Plusieurs défilés de mode. C'est un peu inquiétant. Je savais pas ça non plus. Et puis, il y avait un mannequin qui, tout à coup, a séduit. Tu dis un, mais c'est une? Une mannequin. Ouais. Ben, c'est-à-dire que je la trouvais intelligente pour être mannequin. Puis t'en avais vu d'autres. Mais elle était assez belle pour être mannequin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est capoté, ça. Toujours est-il qu'un soir, à la fin d'un défilé, alors qu'il y avait une tempête de neige, il m'a aidé à mettre son manteau. Puis alors qu'elle mettait ses bottes, elle m'a dit, j'aimerais qu'on se voit. C'est dur. N'importe quand. Elle dit, quand? Demain matin, 9h. Ça va un amour fou. Ouais. Qui a duré 3 ans. Mais dans un combat incessant. Parce qu'il y avait ta vie de famille on the side, hein? Oui, mais la vie de famille, c'était une famille riche de Montréal. dont le père était président de la place des arts. Puis sa fille était tombée amoureuse d'un homme marié, genre. D'après ce qu'elle me disait, elle accompagnait son père dès l'âge de 16-17 ans, parce qu'elle avait besoin de lui, parce que lui était alcoolique. Elle était à Marie-France, elle terminait son bac. Donc c'était en 72. C'était en 69. Ah, décembre 69. La tempête de neige, le manteau. On a dessiné des corps sur les arbres de Montréal. On a sculpté des corps. Tu vas-tu les revoir des fois? On était fous, hein? Ben oui, fous, mais dans le bon sens. On a vécu ensemble presque 3 ans. Mais... Avec le recul... Son père m'a convié. Son père, qui était un avocat dans le gros bureau. OK. Qui était le président de la place des arts. Un autre gars. Il me convoque, on va dire, ça, c'est ça. Là, t'as... C'est super bien, mon Dieu. Ben oui, ça, c'est bien utile qu'il dise. Moi, j'avais 36 ans, elle avait 18. OK. Rock'n'roll, là. Le charisme guité avait perdu le contrôle. Absolument. Ah ouais, y a rien à redire. Puis c'était pas, t'as été testé parmi tant de mannequins. Mais, tu vois. La nature. Ça me va. C'est génial. Anyway, entre moi pis toi, la monogamie, c'est sûrement le système le plus dépassé. Oh, c'est ça, on m'avait proposé ça, d'ailleurs. Prends-la comme maîtresse. Oh. Moi, je suis... Son père t'avait proposé ça? Pas son beau-père, non, non. Un ami de ma femme. Hein. OK. Mais d'un bord à l'autre, on était... Ah! On a créé le drame pour rien. Sa mère, qui est venue à la maison chez nous, gueuler comme une... Ah oui, là il y a tes enfants, il y a ta femme pis tout, là. Ah, ouais. C'est-tu des beaux souvenirs? C'est-tu des beaux souvenirs? Ça se balance-tu en rétrospective? Comment tu penses à ce 1969, le mois de décembre, les 3 années? C'est... Ah non, jamais je n'échangerai le bonheur que j'ai vécu. Ah, il y a Chim, dude. Tu vas me faire broyer. De toute façon, il n'est pas question d'échange. C'est vécu. Ouais, mais il y a des regrets après. Puis toi, tu dis t'en as pas. Non, aucun regret. C'est ça. Sinon, que, bon, c'est sûr. Peut-être que j'aurais pu être plus fidèle. Mais la question se posait même pas, c'était une incapacité physique. On est même, à un moment donné, songé, on en finit tous les deux. Ah ouais, hein? Tragique, l'amour tragique, genre? Non, pas tragique, l'amour doux. OK. Je suis content que vous ayez songé à d'autres choses après. Mais après, ouais, après, avec tous ces pressions, puis ensuite des retours. Ben oui, Chris, son père qui t'invite, qui est haut placé, sa mère qui va crier chez vous. C'est sûr, c'est une époque, ça doit être dans les plus rock'n'roll que t'as vécu de ta vie, ça. Ah, c'est stressant au diable. Ben oui, peut-être plus, mettons, si tu me permets, que mettons, à Rimouski, quand Jules Briand t'a appelé pis t'a dit t'auras plus de contrat dans la ville, ça, ça a dû être très stressant, père de trois enfants pis le reste. Mais dans un certain sens... Là, c'est un nouveau défi à toutes sortes d'étapes, là. T'as... Mais dans un certain sens, si tu fais la comparaison entre les deux, quand Jules Briand m'a dit ça, j'ai presque dit, bon... Moi, je veux pas travailler avec du monde qui ne laisse pas être sous la... Je suis plus attiré par Montréal. Ouais. Me libérer de ça. J'allais faire autre chose pour pouvoir me libérer pour travailler pour l'aérienne à l'époque. Tandis que de l'autre bord... C'était quoi son nom, hein? La mannequin? Ah! Geneviève Mercier. Geneviève Forcier. Mercier. Mercier, OK. C'est des bonnes histoires. Là. Fait que là... Ah, c'est là, justement, avec ce stress, puis, oh, évidemment, le stress, c'était partagé par Geneviève aussi, tu comprends? Alors, sa grand-mère, par exemple, elle habite un appartement en face du Ritz-Carlton, c'est la grosse tour. Oh. Bon, elle l'a soutenu. Je l'avais jamais rencontré. Bon, toujours dit, le stress a fait que, à l'université, on m'offrait d'aller faire une maîtrise en architecture après 6 ans d'enseignement. Ouais, parce que t'étais rendu chef des ateliers pour, depuis 1966. Oui, aller perfectionner, en d'autres termes. OK. Mais ça veut dire possiblement 1 an, possiblement 2 ans à l'extérieur. J'ai choisi l'Angleterre, pourquoi? Parce que c'était plus facile. Puis en même temps, moi, tiens, l'Angleterre. Ben, pas un pays pour un séparatiste, mais allez voir ce qu'ils ont l'air des Anglais. Ouais, ouais, puis c'est de là que ça vient le Canada aussi. Là, oui, mais ben, il n'y a pas de, y a quasiment pas de rapport entre le Canada et l'Angleterre, dans un sens, à part dans. La petite poignée de royalistes qui ouais. Restent. Ah ouais. Parce que, bon, toujours été parti. Je suis parti avec mon fils. Avec Dominique. Mon fils aîné, Dominique. Il y avait. Sept ans. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, ça a dû être un des plus beaux trips de sa vie. Hein? Donc, en même temps, ça brosse à la maison aussi, peut-être. Hein? C'est compliqué, là. Comment? Ben, c'était l'époque où il y avait des tumultes entre toi et Marie-Paul parce qu'il y avait Geneviève, genre. Oui. Puis là, juste après, mais là, si t'amènes ton fils, c'est le plus beau trip de sa vie. Il laisse les deux filles, puis une pension de. Ah. 8000 par année. 600 quelque chose par mois. OK. Ça, je sais pas c'est quoi ça veut dire en argent de nos jours, mais ça... T'as ça... toujours acheté comme fils. Enfin, il faudrait qu'elle bouge elle aussi, les filles t'as pas des enfants, là. Moi, s'il y a une affaire dans laquelle je suis sûr et certain, c'est que Rodrigue a pas manqué à ses responsabilités dans cette histoire-là. Puis là, j'ai fait ça pendant 10 ans, cette pension-là. OK. Puis après ça, j'ai dit, bon, ça, c'est... Les enfants étaient rendus adultes. Ouais, ouais, ouais. Ça me semble faire. Alors, on s'est organisé. Ben, c'est ça. Mais elle s'est pas organisée, elle est devenue alcoolique, puis elle est décédée dans une résidence. Ah, oh, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est quand la dernière fois tu lui as parlé? Bon, j'allais la voir de temps en temps. Elle avait de la peine à s'exprimer. Ouais, ouais. Est-ce que la gaminerie, ça a continué longtemps après? Non, c'est tellement... Pas longtemps, non. Non. Peut-être une couple d'années, je ne sais pas. des années rock'n'roll. Ouais. Mais je suis toujours resté amoureux de Geneviève. Ah ouais, hein? Plus que Lucie, plus que Marie-Paul. Ah, oh, oui. On a correspondu, on a essayé de... On s'est rencontrés à Paris à un moment donné. Pour essayer de se rejoindre encore. Puis, ah, ça n'a pas marché. Penses-tu que la pression de ses parents a été quelque chose qui a été... Comment? Parce dans le sens que si toi t'étais rendu dans un autre pays, sûrement que ses parents, ils ont continué à pousser. T'sais, elle se ramassait dans un univers où il y avait plus du monde qui poussait pour que ça arrive pas qu'avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'étais resté à Laval-Nord, genre, là, elle aurait pu aller chez vous, mais là, elle avait un seul écho. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris par son cousin qu'elle était mariée à un Suisse, un médecin suisse, et qu'elle avait 5 enfants. T'as bien été. T'as-tu l'opinion de ses parents? Médecin suisse. On mentionnait qu'elle avait été Miss Québec. Ça me dit? Non, t'as mentionné qu'elle était très belle et mannequin, mais t'as pas été jusqu'à Miss Québec. Oh là là, quelle aventure qu'on a vécu ensemble. Même que, à force de parler, elle est devenue, enfin elle était, puis elle est devenue plus armée au point de vue argument indépendantiste. Ah, c'est son, bon. Son discours, comme Miss Québec, quand je fasse un discours, est orienté vers justement la libération du Québec. Mais hey, elle a gagné quand même. Tu vois, t'as planté plus qu'une graine dans ce cas-là. C'est-tu que c'est bon, ça? Ah, c'est incroyable. Quelle aventure. Fait que là, t'es en Angleterre, t'as fait ton stage, genre, les années qu'il fallait. Ah, ouais. Là, c'est quoi? C'est l'UDM qui voulait t'avoir comme prof à l'université, c'est ça? Là, justement. Quand j'ai pris la place à l'atelier, là, j'étais déjà à l'UDM. OK, t'étais déjà comme formateur. OK. Là, j'étais assistant. OK, puis là, ils t'ont payé une formation pour que tu deviennes full-fledged. Hein? Parle-moi. Ben, je veux dire, quand je suis rentré à l'école d'architecture, je suis rentré par Junius, un ami belge qui était architecte, puis qui était prof là, puis qui manquait d'un assistant. Moi, je suis rentré comme assistant. Et puis, à la fin de l'année, on m'a nommé chef d'atelier. Donc, j'étais devenu prof. C'est vrai. Ça, c'était 66 jusqu'à 72. C'est logique. Et bon, alors là, je suis à Manchester. J'avais une vieille Peugeot ici. Je l'ai remis au garage Peugeot ici. Puis, je suis allé me chercher une voiture à l'usine de Peugeot en France. En traversant l'Angleterre, puis j'habitais dans une maison avec un ami qui était justement, il était en train de faire une maîtrise lui aussi, puis qui avait loué une maison à Manchester. On habitait là pendant la saison d'hiver, automne-hiver, puis après ça, je suis parti à Hollande. Après avoir correspondu avec un architecte qui travaillait dans l'habitation populaire à Eindhoven. Il était déjà reconnu, je l'avais rencontré à la faculté d'architecture. OK. Fait qu'il m'a accepté dans son atelier, je pensais, 8 mois. On va avoir avec une Hollandaise. Elle aussi, très importante. Ça a aidé à faire oublier Geneviève sûrement un petit peu. Par un certain sens. Oui. Puis Dominique habitait encore avec toi dans ce temps-là. Non. Pendant qu'on était à Londres, à un moment donné, Dominique, j'ai quasiment fait le ultimatum, mais écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Il est allé dans l'ambassade d'Israël, puis s'est trouvé un poste dans un kibbutz en Israël. C'est donc bien capoté, ça. Il est né à Rimouski, puis il se ramasse en Israël. Oui. C'est capoté. Il s'en va en Israël dans un kibbutz. À l'époque, les kibbutz, c'était une espèce de coopérative. OK. Des villages coopératifs. Il travaillait dans les colonies. T'es-tu fier de lui pour ça? Ça a, hein? Ça a l'air d'un... Qu'est-ce que tu penses de son choix? Ben, peu importe, il avait du travail, il m'a fait une expérience, bravo. Et il s'amène dans une ferme d'élevage de dindons. 75 000 dindons. Bon. Et lui, il est à l'insémination artificielle. T'as-tu envoyé des photos, là? Oh, il avait 18 ans, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, il a passé... C'est plus un emploi que... Parce que moi, je voyais comme un choix social, non, aussi, choix. Genre. Non, c'est juste un emploi. OK, c'est bon. Parce que, je sais pas, c'était peut-être comme une communauté autarcique. Pas du tout, pas du tout. OK. Là, dans le kibbutz, j'ai rencontré une jeune juive du... Connecticut. Américain. OK. J'étais là pour la même chose. Travailler. Et ils sont venus à Manchester, tous les deux, à la fin de leur stage. Puis on a fêté ensemble. Et ils venaient d'avoir une autre job, c'est-à-dire d'aller remplacer un agriculteur norvégien. Il n'avait pas pris de vacances depuis 23 ans. Vu qu'il décidait de confier sa ferme à un couple qui pourrait s'en occuper pendant leur absence de 2 mois. C'était au Connecticut, ça, ou...? Non, là, il était à Manchester. C'était en Angleterre, là. Ça a l'air Norvège, sur une ferme. Quand tu dis Norvégien, c'est pas juste la nationalité, c'est la place. Oui. Fait que là, ton fils, qui est né à Rimouski, s'est trouvé une fille quand il est allé travailler en Israël et par la suite, c'est devenu un contrat en Norvège. S'occuper d'une ferme en Norvège. Il capotait, hein? Ouais. Après ça, ils sont revenus à Montréal. Et puis, il a fait son cours en agriculture. À McDonald's. OK. C'est une école de McGill, au bout de l'île de Montréal. Superbe ferme expérimentale, oui, de premier cours d'agriculture. Hey, t'as quelque chose d'allumé, là? Ben, il y en a plein, hein. Le truc, c'est juste qu'il faut pas... Ah ouais, moi, ça... Faut-tu peser quelque part? Non. OK. Non, tu fais juste... Mais inspire pas trop fort, hein. Faut tout le temps que tu vois toute la flamme. Non, t'inspires trop fort. C'est ça, c'est parfait. Hey, c'est capoté, hein. C'est toutes des affaires que je savais pas, là. Là, on a comme parlé aussi, on a développé sur Dominique, c'est un de tes 6 enfants... Parce que là, t'es rendu amoureux d'une Anglaise, Anglaise. Oui, tu veux dire d'une... T'as parlé d'une Anglaise qui avait été importante. Pas une Anglaise, c'est une... Des Pays-Bas. Une pardon? Des Pays-Bas. Des Pays-Bas, une Hollandaise, oui, effectivement, je m'en... Oui. Elle s'appelle Else. E-L-S. Moi, je l'ai appelée Elsa. Depuis, elle s'appelle Elsa. Et moi, ça se dit mal en québécois, Else. Else. En tout cas, c'est Elsa, réglé. Elsa, comme ça. Elle s'appelle Elsa, c'est tout. Puis c'est ça, c'est quand je suis arrivé à Eindhoven pour mon stage à l'école de technologie de Eindhoven sur l'habitation. Son mari travaillait là, puis finalement, on est devenus des amis. C'était vraiment un atelier sympathique. Chaque vendredi soir, à 5 heures, c'était l'apéro. Le patron sortait de l'apéro, puis... C'est le fun, ça. Après ça, on allait manger chez quelqu'un, après avoir pris un bon petit joint d'arrache, je sais plus. Une bonne bière. Alors, la plupart étaient musiciens aussi. C'est vraiment sympathique. Et toujours est-il qu'Elsa est tombée en amour avec moi. Ou vice-versa. Ça va tout le temps mieux quand ça se partage, ça, en tout cas. Puis toi, t'avais pas d'attache, t'étais comme le Rodrigue en cavale, genre. Tu te promenais de pays en pays, puis... Mais ça a été vraiment, comment je peux dire, sympathique au maximum, parce que j'étais un bon ami avec son mari. Puis, à un moment donné, tout le monde a mis ça sur la table, puis tout le monde a bien compris.